Nous sommes le mardi 20 janvier, c'est l'épisode 203 et ce soir, c'est freestyle. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette émission 203. Autour de notre table ce soir, donc on est en nombre réduit. D'abord à distance, nous avons Julie depuis Nice. Salut Julie. Salut. Robin depuis Paris. Et autour d'une table physique à Paris aussi, on a Alicia, notre invitée de ce soir. Bonsoir. Et puis moi-même, Nico. Et puis avant de commencer, juste deux mots vu qu'on va être dans un sujet art et science d'une remarque de LJJ. 203 est le nombre de schémas de rimes différents pour un poème de 6 lignes. Comprendra qui pourra. Au sommaire de l'émission de ce soir, donc l'interview d'Alicia, la réponse tant attendue au quiz du mois, la rubrique de Robin et Boson, des retours sur les émissions précédentes, des messages d'auditeurs, des pitchs, des plugs, et puis c'est tout. Et puis bah, donc là-dessus, et puis il y aura une quote aussi qui n'a pas été mise dans le sommaire, mais qui sera quand même présente. Et d'ici là, bah, Julie, la parole est à toi. Donc attention à la chatroom, ça va monter pour l'interview d'Alicia. Bonsoir Alicia, merci d'avoir accepté notre invitation et puis bienvenue à bord du freestyle. Bonsoir Julie. On t'a invité à plusieurs titres parce que tu as une manière très particulière de communiquer sur les neurosciences en utilisant des supports artistiques. Alors on te reçoit en tant qu'artiste et en tant que fondatrice de l'association Émotions Synesthètes avec laquelle tu es actuellement en train de monter une expo. Donc, on va commencer par ta casquette d'artiste. Tu as une formation en neurobiologie, tu peins, tu joues du violoncelle, tu chantes. De tout cela, tu fais des projets dits art et sciences où, pour reprendre tes propres mots, ton objectif est d'amener aux neurosciences à travers l'art et l'essence. Tes toiles sont souvent inspirées des images de neurosciences. Tu vois cela comme une contrainte ou comme une inspiration ? En fait, ma démarche à la base était de fusionner l'ensemble de mes centres d'intérêt, qui sont donc la musique et la psychologie, et donc les neurosciences, la psychologie cognitive, tout ce qui a trait à la compréhension de l'humain, dans ce sens-là. Et donc, l'idée, c'est de trouver tous les supports artistiques envisageables pour parler de telle ou telle notion au niveau des neurosciences. Donc, à la base, la peinture, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait ou je n'avais un quelconque talent. Donc, je m'y suis mise parce que au détour de la conférence-concert que j'ai montée, qui s'intitule Musique et cerveau, un jour, on m'a dit qu'on voulait me proposer en fait de faire tourner cette conférence et on m'a dit qu'il fallait faire attention au droit à l'image dans le PowerPoint. Et je me suis dit, bon, bah ok, je vais faire mes propres images, j'ai acheté des pots de peinture et puis j'ai commencé à faire un peu comme Jack Pollock, à jeter de la peinture et puis à essayer de représenter en fait des images des neuroscientifiques, tout en essayant malgré tout d'être au plus près de la réalité. Donc au final, c'est plus une inspiration parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément et que j'ai envie de communiquer au grand public. Donc je vois que de l'inspiration plus que de la contrainte. Et tu utilises aussi des peluches pour expliquer les neurones ? Voilà, exactement, parce qu'en fait, toute la difficulté de parler du cerveau, c'est qu'on ne le voit jamais. On peut, si on veut parler de la nature, des animaux aux enfants ou à n'importe qui, ben, on peut avoir des os, on peut avoir des livres, on peut avoir des tas de choses, mais en fait, les neurosciences, ben, un neurone, on n'en voit jamais. Et donc, l'idée, c'était un moment de créer un support qu'on puisse manipuler donc à une échelle différente. Et c'est parti justement avec cette idée de peluche en forme de neurone, donc qui peut tant s'adapter aux enfants. Donc elles ont des petits scratchs en fait sur leurs extrémités pour qu'on puisse faire les connexions entre les neurones qui s'appellent les synapses. Donc là, dans les écoles avec les enfants, on a droit à de magnifiques réseaux de neurones en 3D. Et naturellement, c'est aussi très utile pour les adultes qui souvent ne sont pas beaucoup plus alertes que les enfants sur ce sujet. Donc ça fait effectivement l'objet d'un support qui est pour moi essentiel pour parler des neurosciences, puisque sans ça, ça reste quelque chose de vague et abstrait. Donc, la neuroimagerie, c'est quand même super compliqué. Et a priori, ce n'est pas accessible au plus grand nombre. C'est un peu ce que tu disais avec les neurones, c'est utile aussi pour les adultes. Est-ce que tu penses que ton approche permet de toucher des gens qui n'auraient eu aucun accès aux neurosciences autrement? Alors effectivement, en fait, après, une image, elle est parlante si elle a un discours qui est adapté, qui l'accompagne. Et en fait, donc, ce que je propose au final, c'est déjà des images qui me sont propres et ensuite le discours que j'adapte en parallèle pour que ça puisse paraître accessible à tout le monde. Donc, après, il y a une double lecture. Les gens qui sont spécialisés donc, vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Le grand public pourra, avant d'arriver aux notions de neurones, de cellules nerveuses, vont d'abord voir des fleurs, des champs de coquelicots, des champs de tournesol. On m'a parlé aussi qu'une de mes toiles faisait penser au ciel étoilé de Van Gogh. Donc, j'étais très touchée. Mais voilà ce qui permet en fait plusieurs pistes de lecture. Et puis, si jamais on n'est pas encore dans celle des neurosciences, on peut y arriver par un axe différent. Et comment ta démarche est perçue par les neuroscientifiques? Alors, elle est plutôt bien perçue. Je rencontre pas mal de neuroscientifiques qui trouvent la démarche intéressante parce qu'effectivement, là, on a un support qui est adapté à tout un chacun. Et quelquefois, ça m'arrive d'avoir une petite question avec un regard en coin, mais d'où prenez-vous vos sources? Parce que bien sûr, il y a toujours le souci de scientificité et de ne pas trahir ce que dit la science. Donc, j'explique de par la licence que j'ai fait en psychophysiologie, donc j'ai déjà du matériel. Et après, je reste toujours en contact avec des neuroscientifiques, avec des étudiants. Et après, je compte aussi sur toutes ces collaborations pour m'aider à toujours comprendre davantage et puis après pouvoir communiquer tout ce que j'apprends aux gens que je rencontre. Mais en fait, la communauté est plutôt bienveillante par rapport à ton travail. Oui. Et tu collabores avec eux. Voilà, l'année dernière, j'étais au Palais de la Découverte pour la Semaine du Cerveau. Et là, ils m'ont renouvelé pour cette année, donc avec encore plus de responsabilités. Donc j'imagine qu'ils étaient contents et puis que ça va aller de mieux en mieux avec le temps. Et puis avec d'autres partenariats qui se feront, j'espère, dans l'avenir. Et auprès du grand public, comment est perçu ton travail? Du coup, très bien aussi, parce que souvent les gens disent « Ah, pour une fois qu'on comprend tout aux sciences, ou tout du moins, ça paraît d'un coup beaucoup plus accessible que peut-être des conférences de grands chercheurs qui seront très intéressantes, mais où on aura un peu plus de mal à se mettre dans le bain. » Donc, en général, on a des très bonnes réactions. Et puis là, par exemple, la médiathèque Jacques Baumel de Rueil-Malmaison nous a proposé, donc, à mon association et Conny Junior, un groupe d'étudiants avec qui je travaille, de justement animer toute la semaine, le mois de l'événement La Science se livre, qui aura lieu donc en février prochain. Donc eux, en fait, leur idée, c'est de, étant donné qu'ils ont un background littéraire, ils n'ont pas les outils pour amener les sciences aux gens, donc chaque année, en fait, ils dédicacent un mois comme ça où ils font des événements sur la science pour justement garder quand même un contact avec la science et puis essayer d'investir ce domaine. Et là, du coup, par exemple, ils étaient très enthousiastes tant à l'idée de l'exposition peinture que des contes pour enfants de Conny Junior, que la conférence-concert que je propose pour parler du cerveau, mais comme si on était à un concert avec de la musique, de la poésie, du théâtre. Donc au final, les gens sont très friands de ça parce que justement, ils ont l'impression que voilà, tout est accessible. Je peux me permettre une question, Julie? Enfin, c'était Julie qui demandait quel précis son truc. Non mais du coup, tes toiles là, tu les fais à chaque fois avec dans l'idée en fait de parler de parler d'un sujet de neurosciences, je veux dire de présenter un aspect de. Est-ce que t'as un souci didactique avant tout ou un souci artistique avant tout, je veux dire, est-ce que tu. Alors. Dans l'idée, quand j'ai commencé la démarche de vouloir peindre, j'avais ce souci didactique, mais j'avais pas d'orientation précise dans qu'est-ce que je vais peindre. À la base, j'ai juste cherché des images qui me plaisaient au niveau des couleurs et je me suis dit, il faut que j'essaye, que je vois qu'est-ce que ça donne quand je prends mon pot de peinture et puis que je fais ça ou encore que je fais ça. Donc au départ, c'est très expérimental, juste sur des images que je ne savais pas forcément ce qu'elles représentaient. Et moi-même, j'ai aussi ce plaisir avec le temps de découvrir ce que j'ai peint. Des fois, quand je pensais que les neurones étaient dans un sens, plus tard, je découvre qu'en fait, ils sont dans un autre. Et puis, de fil en aiguille, tout ce que j'apprends, j'arrive à le reconnecter aux diverses peintures que j'ai faites. Et donc, même pour moi, c'est un mode d'apprentissage qui est très... très réjouissant. Et après, voilà, tout finit dans justement communiquer tout ça au grand public. Et par exemple, je fais des collaborations avec des étudiants en médecine, par exemple, notamment Anthony Clément, je lui fais une petite dédicace au passage, qui, lui, voilà, je lui demande de rédiger des topos scientifiques, donc bien rédigés sur chacune de mes toiles pour que ça puisse, voilà, après, chaque toile puisse être accompagnée de son petit topo qui puisse être accessible à tous. Voilà, au final, tout se rejoint de cette façon. D'accord. Ça répond à ta question, Robin ? Bah oui, plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais des toiles. Ce qui est rigolo comme démarche, c'est qu'en fait, tu fais des toiles et après, tu essayes de voir ce qu'on peut raconter dessus. Mais en quoi elles peuvent raconter quelque chose, quoi. Je cherche pas à voir ce qu'on peut raconter dessus, mais comme je suis tout le temps dans le milieu, par exemple, là, au mois de septembre, j'ai suivi en auditeur libre les cours de biologie de l'ENS. Et à un moment, je suis tombée sur une image dont je m'étais inspirée pour faire une toile que j'ai appelée Couleur d'automne. En fait, ce sont des neurones pyramidaux avec la coloration de Golgi. Donc, ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, retenir qu'elle a des couleurs d'automne. Et là, du coup, ce cours-là auquel j'ai assisté, qui était passionnant, m'a donné tous les outils pour parler de cette toile et notamment expliquer que, cette coloration, donc par exemple la coloration de Golgi, dans les années 1900, elle a été mise en place donc par Golgi. Et en fait, elle a donné un prix Nobel parce qu'avant ça, on pensait que... le cerveau, en fait, était fait de cellules qui étaient toutes fusionnées entre elles. Et après la mise en place de cette coloration et de ce qu'on a découvert, on a pu voir les neurones apparaître. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le cerveau n'était pas un amalgame de cellules fusionnées, mais des cellules qui étaient bel et bien distinctes les unes des autres. Et donc, elles avaient besoin de communiquer entre elles. Donc voilà, ça, ce sont des choses que, après, une fois que je... tombe sur les propos associés aux images qui m'ont inspirée, ce sont des choses que je vais raconter et de fil en aiguille, je finis par comprendre l'intégralité de ce que j'ai peint auparavant. D'accord, donc tu pars d'images de scientifiques qui t'inspirent et voilà. Après, à la limite, si tu apprends ce que c'est, tant mieux, mais voilà. Sinon, presque tant pis, quoi. Après aussi, toute la difficulté, c'est de rencontrer les gens qui ont envie de collaborer avec moi et puis qui ont envie de répondre à mes mille et une questions. Et tout le monde n'a pas le temps, même si les gens, des fois, peuvent paraître intéressés. Ils ont aussi leurs occupations, leur vie. Et donc, pour moi, c'est aussi le temps de créer les contacts qui vont m'aider justement à élaborer tout ce qu'il y a autour de ce que je fais. Et là, de plus en plus, je commence à avoir de plus en plus de personnes qui veulent bien m'aider. Et puis, comme Anthony, par exemple, qui, dès que j'ai une question sur mes toiles, il répond. Et puis, et du coup, ça fait des échanges vraiment super intéressants. Et pour moi, ça devient une façon d'apprendre les neurosciences assez originale. Ok, et éventuellement de l'apprendre à d'autres. Et après, effectivement, de le communiquer aux autres, parce que autant que ça en bénéficie au plus grand nombre. Ta démarche de sensibilisation à un sujet scientifique complexe est quand même vachement originale. Tu t'es inspirée de choses qui existaient déjà ou t'as tout conçu à partir de zéro ? Non, dans ma tête, tout du moins, j'ai tout conçu à partir de zéro. Après, des fois, on peut se retrouver plusieurs à avoir eu la même idée sans forcément être au courant. Je ne suis pas là à me poser la question de ce que les autres ont fait ou pas fait. En général, c'est juste je suis partie de la psychologie, qui est un domaine qui m'intéressait. J'ai découvert que les neurosciences, c'était la base physique du cerveau, donc c'était aussi intéressant. Et puis, c'est un monde que j'ai envie de comprendre pour comprendre l'humain, pour comprendre beaucoup de choses de notre quotidien. Et... je me suis perdue dans la question. Est-ce que tu peux me répéter la question, Julie, s'il te plaît ? C'était, est-ce que tu t'es inspirée de choses existantes ou est-ce que tu as tout conçu ? Et donc, j'ai aussi assisté à des cours de neurobiologie qui étaient passionnants, certainement, par des profs très enthousiastes, avec des termes très compliqués et très frustrés de ne pas comprendre grand-chose à la fin de ces cours. Et donc, dès que j'ai commencé à balbutier dans le domaine des neurosciences et que j'ai commencé à comprendre des choses que je trouvais passionnante, j'ai tout de suite voulu le communiquer aux enfants notamment, puisque au final on se rend compte que beaucoup d'étudiants, que ce soit en neurosciences ou en sciences cognitives, sont arrivés tard dans ce milieu parce qu'ils ne connaissaient pas du tout ce domaine. Donc souvent ils ont fait, je sais pas, école de commerce ou je ne sais quelles études, et puis on se retrouve très tard au final à commencer à intégrer ce domaine. Donc c'était ma démarche de me dire, faut en parler aux enfants, faut en parler à tous les âges, parce que ça traite quand même l'humain, ça parle à tous, ça parle de notre quotidien, ça parle de nos relations, donc ça a le mérite de que ça soit entendu, qu'on puisse accéder à tout ce monde. Et donc je réfléchis juste au fil de mes rencontres, de ma vie, voilà, comment je peux expliquer telle chose, comment je peux expliquer telle autre. Et puis voilà, donc au final, de ma démarche à moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de partir de zéro et de moi et de mon quotidien et des rencontres que je fais. Ok, très bien. Et selon toi, qu'est-ce qui manque le plus dans la vulgarisation scientifique classique ? Une touche de beauté, un esprit ludique ? Voilà, un petit peu les deux. Et puis, y a aussi toujours le côté nécessaire, bien sûr. Enfin, je parle de la rigueur qui prime dans la façon de présenter les sciences. Donc on a le scientifique qui est à son bureau, qui a le PowerPoint avec les slides, les schémas, les graphiques, les chiffres. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu un peu bouleverser et voilà, dire qu'on pouvait apprendre en écoutant de la musique. Notamment, on sait qu'on retient mieux un texte s'il est chanté, plutôt que parlé, d'où les comptines pour enfants ou les musiques pour apprendre les langues étrangères. D'ailleurs, tout le monde l'aura expérimenté, cette chanson qui nous trotte dans la tête toute la journée. Et quand j'étais ado, je me disais, mais si mes cours pouvaient me trotter dans la tête toute la journée, ça serait bien. Et donc, j'ai essayé de voir comment, justement, à partir de toutes ces notions, favoriser les circuits émotionnels pour apprendre que apprendre, ça ne doit pas forcément être une contrainte, ça ne doit pas être quelque chose qu'on procrastine au plus haut point. Apprendre, ça doit être avant tout du plaisir, et de toute façon, il n'y a que comme ça que ce qu'on apprend pourra donner des fruits dans nos réflexions, dans notre vie. Comment essayer de mettre justement de la beauté, de l'originalité, du plaisir, de l'émotion, pour que ce ne soit pas juste que des informations qu'on ingurgite et qu'on oublie deux jours plus tard, et qu'on puisse en tirer des meilleurs bénéfices. Ok. Alors, on mettra un lien sur tes toiles dans les notes de l'émission, bien sûr, mais on est quand même un podcast audio. Et donc, les gens qui nous écoutent en conduisant ou en faisant la vaisselle, ils ne pourront pas forcément voir tes toiles. Est-ce que tu peux nous en décrire une ? Par exemple, ton tableau Nature vivante ? Parce qu'on peut penser à un champ de coquelicots, mais ce n'est pas vraiment ça. Alors effectivement, ce champ de coquelicots représente en fait des terminaisons neuronales. Donc encore une fois, comme ça, avec simplement un média audio, ça sera difficile à bien décrire. Mais disons que en fait, les neurones, si on veut, ont une tête. Si on fait une homologie avec le corps humain, donc il y a la tête qui s'appelle le soma. Ensuite, ils ont des cheveux qu'on appelle les dendrites. Puis, il y a un long corps qui s'appelle l'axone. Disons qu'il n'y a pas de bras et il y a des petits pieds. Et en fait, sur Nature vivante, on voit comme ça des petits fils verts qui correspondent aux terminaisons du neurone, donc au niveau des pieds. Et au bout, on voit des pastilles oranges qui correspondent en fait aux neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques qui sont libérée des pieds des neurones. Cette semaine, j'étais dans une... Parce que je travaille dans les temps périscolaires et j'ai un enfant qui m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée magnifique. En fait, comme les neurones ne peuvent pas se passer de l'électricité entre eux, ils ont des petits messagers chimiques qui sortent des tentacules des pieds d'un neurone pour aller jusqu'aux tentacules de la tête d'un autre neurone. Et donc, ces champs de coquelicots représentent, donc les fleurs des coquelicots représenteraient justement ces messagers chimiques qui vont être libérés des tentacules des pieds des neurones pour rejoindre, en l'occurrence, le muscle. Et donc, en fait, là, sur cette toile, sont représentés des neurones qui vont amener des messages aux muscles pour justement pouvoir se mouvoir. Donc, j'ai appelé cette toile nature vivante parce qu'en opposition aux natures mortes, que sans être très cultivée dans l'art, j'ai jamais vraiment compris la démarche et je préférais une idée de quelque chose de vivant que mort. Et donc là, c'était l'occasion de parler de cette idée. Et donc voilà. Ok, donc pour ceux qui sont dans la chatroom, l'image vient d'apparaître. Donc on a eu un petit retard, mais vous comprendrez bien ce qu'a décrit Alicia. Et donc, où est-ce qu'on peut voir tes toiles ? Alors, on peut les voir sur mon site www.emotionsyn, donc émotion avec à la fin syn.com. Et sinon, il y a aussi sur le site Facebook de Émotion Synesthète. Et voilà, vous trouverez après différents liens pour accéder au visuel. Ok, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais tu as peut-être quelque chose à ajouter sur l'exposition que tu vas faire à la médiathèque Jacques Baumel ? Ce que je peux en dire, c'est qu'elle est gratuite, on peut accéder gratuitement, donc tant à l'exposition de peinture, mais il y aura aussi une exposition de peluches, et des expositions des dessins de Conny Junior, et également donc, la conférence-concert qui aura lieu le 11 février, le mercredi 11 février à 20h30. Et également pour les enfants, il y aura des ateliers qui seront organisés où donc seront contées les histoires de notamment l'histoire de Mimi la Microlie. Ok, très bien. Tu nous donneras les références exactes et on mettra dans les notes de l'émission pour que les gens puissent retrouver les lieux, etc. Ok, très bien. Sinon, c'est aussi sur le site Facebook de Émotion Synesthète. Ok, parfait. Donc, Alan ne peut pas être avec nous ce soir, mais il m'a demandé de te dire qu'il était immensément fan de tes toiles et que si c'est dans ses moyens, il serait ravi d'en acquérir une. Est-ce qu'on peut les acheter quelque part ? Oui, bah, le mieux pour en discuter et puis voir toutes les possibilités, c'est de rentrer directement en contact avec moi, notamment si on va sur mon site et dans la rubrique contact, on m'envoie un mail et puis après on peut s'écrire, s'appeler et puis voir en fonction du budget de chacun, trouver un arrangement pour que on puisse investir dans un petit souvenir qui nous fera plaisir. Ok, cool, bah, je pense que ça lui fera plaisir. On va parler un petit peu de ton association. Oui. Donc, le sens de la vue n'est pas le seul que tu mets à contribution, mais également l'ouïe à travers la musique, tu en as parlé, le toucher à travers les peluches, à travers les ateliers et des meet-up. Ça s'appelle Émotion Synesthète. On avait parlé de synesthésie sur le podcast, mais c'était il y a très longtemps. Tu peux nous rappeler de quoi il s'agit ? En fait, la synesthésie est un processus que certaines personnes vivent au quotidien qui implique une communication automatique et irrépressible entre les sens. Donc, par exemple, quand quelqu'un va voir une lettre, son cerveau va lui associer une couleur. Ça peut se faire également avec des notes de musique ou après, il peut y avoir autant de synesthésie possible que de personnes qui les vivent. Il y a des synesthésies qui impliquent des ressentis au niveau du corps. Il y a des synesthésies qui impliquent... tous les sens peuvent être impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, là, l'idée d'appeler notre association Émotion Synesthète était de dire qu'on allait amener le propos scientifique par la communication entre les sens. Donc avec, comme on a dit, la vue, le toucher, etc. Et donc concrètement, vous faites ton association fait quoi ? Donc, elle fait justement des projets de vulgarisation des neurosciences à travers les conférences-concerts. Et elle encadre également la production de peluches et les ateliers qui sont organisés pour enfants. Ok, et donc, t'es pas toute seule, je crois. Tu peux nous parler de ton partenaire ? Voilà, alors je travaille avec Thomas Chabalier qui, lui, est étudiant en musique au CNSM de Paris. Il est en section jazz et musique improvisée et donc a une formation classique du Conservatoire d'Antibes et de Nice. Donc, et comme c'est quelqu'un aussi de très créatif qui ne demande que des projets pour mettre sa créativité à l'emploi, on s'est très bien rencontrés et il a été tout de suite emballé par cette idée de faire de la musique sur les neurosciences et puis de participer à la création de ce spectacle. Et du coup, on se complète l'un et l'autre. Et je suis très heureuse de faire ça avec lui. Et puis, si tu m'entends, merci. Et donc, quels sont vos prochains projets ? Alors, nos prochains projets, il y aura, donc, comme on a dit, les événements Arrêt Malmaison. Il va y avoir la semaine du cerveau au Palais de la Découverte, où donc je vais aménager le stand et toute la décoration, où j'aurai aussi une permanence le mercredi, samedi et dimanche. Ensuite, je devrais participer, c'est en cours de préparation, au Forum des sciences cognitives à l'Université de médecine. C'est le dernier week-end, le dernier samedi du mois de mars, si je ne me trompe pas, à vérifier. Ensuite, on a aussi des demandes de collaboration avec... je prends mon petit papier pour pas mélanger les lettres et les chiffres. DN2M, en fait, c'est un centre de recherche à Lille qui étudie le fonctionnement des pathologies telles que les maladies neurologiques. Et ils sont très, très, très emballés par des projets de collaboration et voudraient du coup que je sois avec eux pour la semaine du cerveau. En l'occurrence, ce sera peut-être pas possible, mais en tout cas, sûrement qu'on fera une conférence au mois de juin à Lille, donc chez eux. Et il faut déterminer les prochains projets qu'on va mener en partenariat avec leur institut. Et ensuite, également, je serai à Orsay, à la médiathèque d'Orsay au mois de mars et avril. Il y a une date au mois de mars où on va faire notre conférence. Je pense que l'entrée sera gratuite et également les ateliers pour enfants qui auront lieu sur un week-end en entier au mois d'avril. Donc, il me semble que c'est du 9 au 11, quelque chose comme ça. De toute façon, si après pour les dates, on peut aller sur mon site www.emotionscine.com et quand on va dans la rubrique événements, on voit tous les événements passés, également les événements à venir. Donc, on peut retrouver toutes les différents projets qui vont se dérouler dans le futur. Et sinon, on devrait aussi aller au Canada dans un festival Arts Sciences à Montréal et à Québec. Non, Ottawa et Montréal. Et là, ça a mis un peu plus de temps à s'organiser puisqu'il y a un livre qui devait sortir justement en même temps que le festival. Mais on devrait faire notre conférence de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pour les projets en tout cas les plus proches. Vous avez quand même un agenda bien rempli. Ça commence, oui. C'est bien. Ouais. Alors si tu veux lancer un appel à coup de main, c'est maintenant, tu peux y aller. Alors c'est vrai que la couture des peluches me prend énormément de temps et j'ai commencé à avoir du mal à avoir des week-ends, à avoir des soirées. Si jamais vous avez besoin de vous détendre et la couture vous fait du bien, je peux proposer des petits sacs de couture où vous pourrez coudre des dendrites, des axones, je vous expliquerai tout ça avec plus de détails de vive voix. Et je sais que des fois, des amis ont pris de grand plaisir à se détendre. Enfin, il y a les gens que ça détend. Si ça ne vous détend pas, ce n'est pas la peine, bien sûr. Mais de coudre entre midi et deux ou le soir devant la télé, éventuellement, j'ai aussi de quoi vous proposer. Ok, parfait. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez contacter Alicia ou vous pouvez nous contacter et on retransmettra. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de te demander ? Tu veux ajouter quelque chose ? Après, je veux bien passer comme une bouteille à la mer. J'essaie aussi donc de me développer. Donc, c'est vrai que là, ça commence bien, mais j'ai aussi de plus en plus de travail à gérer toute seule. Et puis, il y a des choses que peut-être de temps en temps, j'aurais besoin de professionnels pour m'aider ou pour faire des choses plus carrées. Et puis, du coup, vu que je touche un peu à tout, j'ai plus ou moins toutes les compétences seraient bienvenues, que ça aille du design ou au marketing, au développement d'entreprise. Enfin, bref, ça, je pourrais avoir besoin de beaucoup de coups de main. Et puis, si jamais voilà, des gens sont intéressés pour aider l'association ou pour nous donner des conseils, ben, bien volontiers. Bah, écoute, le message est passé. Alors, tu nous redis une dernière fois où on peut te retrouver ? Alors, via la rubrique contact de mon site internet www.emotionsyn.com. Donc voilà, c'est le plus simple, je pense. Ok, très bien. De toute façon, on mettra ça dans l'émission et il y aura les liens, quoi. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Tu bannes, je sais pas, qui demande si tu interviens dans des établissements genre collège. Oui, tu l'as peut-être dit. Genre collège. Alors là, en l'occurrence, comme je disais, j'ai un contrat en périscolaire avec la ville de Paris. Donc là, en l'occurrence, c'est des écoles primaires où j'interviens de 3h à 4h30. Et ensuite, avec Connie Junior, donc ce groupe dont je parlais, qui justement a mis en place des histoires autour des cellules du cerveau, et donc notamment l'histoire de Mimi la Microlie. Donc avec eux, en fait, on fait pas mal d'interventions bénévoles, que ce soit, ça va de la maternelle, au primaire, au collège. Et puis on pourrait aussi toujours penser de nouveaux concepts et de nouvelles façons de rencontrer les écoles. Donc là encore une fois, c'est à l'enthousiasme des gens qui voudront bien nous accueillir, on sera toujours partant, donc juste rentrer en contact avec nous. Et un projet que j'aurai, un projet parmi tant d'autres à développer dans le cadre des collèges et lycée, ce serait vu que c'est l'âge où on leur parle pas mal justement des drogues, parce que c'est là où ça commence à arriver. Justement, on peut faire des liens entre la consommation de drogue et comment elles agissent sur les cellules du cerveau. Et donc ça, je pourrais faire justement un projet où j'adapte en fait les peluches pour expliquer en fonction de chaque drogue, bah, sur quelle partie du neurone ça agit, par exemple, ou enfin voilà, il y aurait plein de façons d'amener la chose, et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête aussi pour justement cette idée de collège-lycée, et ça pourrait être très intéressant, je pense. Donc voilà. Ok, très bien. Bah, Alicia, un immense merci pour cette interview, c'était passionnant. Bah, merci à vous de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir. Bon, Julie, tu vas enfin nous dire s'il faut qu'on se couvre quand il fait froid ? Oui, exactement. Je vais vous répondre, mais avant, on va quand même commencer par regarder les nombreuses réponses qu'on a reçues. Allez, alors on commence par la réponse de Nico Pejami sur Twitter, qui nous dit « Info et intox, cela dépend de ce que l'on entend par attraper froid. » Il est un peu d'accord avec toi, je pense, sur la formulation. « Ne pas se couvrir en hiver va juste affaiblir les défenses immunitaires. Ensuite, il suffit de ne pas croiser de virus. Uh-huh. » Uh-huh, intéressant. On a également reçu la participation de David Loureiro, donc qui nous a d'abord directement répondu dans la chatroom. Est-ce que ça ne viendrait pas du fait que lorsqu'il fait froid, l'organisme est plus sollicité et moins enclin à se battre contre les microbes que l'on a sur nous habituellement et donc on tombe malade à cause d'eux ? Et ensuite, il a renvoyé un mail pour préciser. Hello, en regardant mes flux ce matin, je suis tombé sur ce billet de chez Futura Science qui dit que cela pouvait être un élément pour une... Et je me suis dit que ça pouvait être un élément pour la réponse au quiz sur le froid qui fait qu'on tombe malade, tout ça. Enfin, si c'est encore celui-ci en cours, et donc il donne un lien. Ouais, vers Futura Science. Vers l'article dont tu t'es inspiré pour faire la réponse. Non, parce qu'en fait, là, celui-là, je l'avais un peu zappé, mais je ne me rappelle plus, c'était intox, je crois, la conclusion. Voilà, bon, David nous précisera, peu importe. Il y a Odd qui nous a répondu par mail. Donc, faut-il se couvrir pour ne pas attraper froid, tomber malade, etc. Je dirais non. Avoir froid ne veut pas dire être malade. Mais j'avoue que maintenant, en tant que maman, quand je vois mon petit monstre courir pieds nus sur notre sol froid, je ne peux m'empêcher de lui dire « mets tes chaussons, tu vas attraper froid ». Mais si, bientôt tu lui diras « podcast science a dit que ça allait, vas-y, cours dans la neige ». Et même enlève ce pull. Bref. Et ça me rappelle aussi que depuis tout bébé, je les couvre normalement. Et dès qu'il est chez les mamies et qu'il met un pied dans leur maison, il est couvert d'au moins 3 pulls supplémentaires. Et ce n'est pas ça. Et ce n'est pas. Pardon. Ce qui le protège des microbes et autres virus. Et ce n'est pas au Japon où on voit des bambins aller à l'école en short et en jupe, les jambes nues alors qu'il fait trop froid. C'est une question d'habitude, tout est dans le mental. Et ils ne tombent pas malades à cause de leurs habits légers. Bisous à tous, épisode toujours super intéressant, et que servir à la science soit votre joie. Je ne sais pas si tout est dans le mental, mais bon. Je ne sais pas si tout est dans le mental, mais si c'est le cas, dis donc mon mental il a été sacrément mauvais cet hiver. Et Robin, t'as testé avec Ninon un peu ou pas? J'ai pas encore testé avec Ninon, j'ai testé avec moi, et je dis que j'ai dû avoir un mental absolument abominable cette année. On a Damien Loiseau qui nous a envoyé une réponse très bien sourcée, merci Damien. Salut, merci pour ce super podcast que malheureusement je ne peux pas ou j'oublie souvent d'écouter en live. J'ai trouvé quelqu'un qui vous a copié pour le quiz aujourd'hui. Donc il donne une vidéo YouTube, quelqu'un qui vient de le poster sur Station des Sciences. Pourtant j'ai souvent l'impression d'être après froid justement après avoir eu froid. A très bientôt, Damien. Donc d'après sa réponse, vous avez bien compris que la vidéo indique que c'est plutôt intox. On a eu la participation de Crazy Smiler en version audio. Bonjour Podcast Science, c'est Philippe de Nantes. Alors pour répondre au quiz, je dirais intox. Pour moi, attraper froid, ça s'appelle juste attraper un virus. Et donc, c'est pas parce qu'on a froid qu'on attrape forcément un virus. Alors les preuves qui n'en sont pas, parce que je ne les ai pas vérifiées, mais les exemples en tout cas, ce sont les sportifs qui vont dans des salles cryogéniques pour se vivifier. Il reste quelques minutes par des températures négatives. J'ai jamais entendu qu'ils attrapaient froid et qu'ils ne pouvaient pas participer aux compétitions ensuite. Deuxième exemple, le pôle Nord. J'ai entendu dire qu'au pôle Nord ou au pôle Sud, il faisait tellement froid que le virus de la grippe ou du rhume ne pouvait pas survivre. Donc on ne peut pas avoir de rhume dans des températures aussi froides qu'au pôle Nord ou au pôle Sud. Et le dernier exemple, j'ai entendu aussi que quand un groupe de, on va dire, 10 personnes partent sur un bateau pendant un mois, ils sont coupés du monde, si aucun d'eux n'est porteur d'un virus avant de partir, eh bien aucun d'eux ne pourra, même s'il attrape froid, ne pourra tomber malade, puisque le virus n'est pas dans leur, n'est pas dans le groupe de ces personnes. Voilà, donc un tox pour moi. Il y a Erwan qui nous a aussi partagé sa réponse. Bonjour, je profite que le quiz soit prolongé pour y répondre. En fait, ça tombe bien parce que saison oblige, je suis en plein dedans, notamment parce que j'ai un petit de 6 mois qui va en crèche depuis 2 mois, on a plein d'auditeurs avec des enfants, et qui est malade depuis 1 mois et demi, et c'est la grande bataille entre madame et moi, car elle veut toujours mettre un petit bout couche de vêtements sur couche de vêtements avant de sortir. Pour ne pas dire, même à l'intérieur. Et moi, je suis du genre à sortir dans la neige en t-shirt, à lui dire que de toute façon ça change rien, on n'attrape pas froid. Bah oui, on attrape des virus et des bactéries. Par contre, je me demande si cela n'y contribue pas même un peu. Je n'ai pas d'explication, mais je me dis que ne pas se couvrir, ça nous refroidit un peu quand même et ça peut nous fragiliser, rabaissant nos défenses extérieures, du genre on a froid, donc les muqueuses de la bouche, gorge, etc. ça sèche, donc les microbes et virus passent mieux nos défenses. Bon, comme j'ai chaque fois faux au quiz, mon explication est très incertaine. Okay. Il y a une deuxième partie du message d'Erwan qu'on entendra plus tard. On a aussi reçu une participation sur Twitter de Beniche. Qui dit « Contre toute attente, la réponse au quiz du mois serait plutôt intox. » Et il donne un lien. Ouais, vers Cold Weather Myth, c'est Healthcare Triage. Et c'est le même lien que nous avait signalé Damien Loiseau dans son message précédent. Alors, on va enchaîner avec un petit intermède de blog audio, mais je vous rassure, il va pas être très très long. Ça a été diffusé sur Le Monde et nous, il y a un petit moment, et ça correspond parfaitement à notre thème. Bonjour tout le monde, je suis tombé récemment sur un article dans le magazine La Recherche expliquant le mode de transmission de ce que nous connaissons tous, le rhume. Selon la définition de l'encyclopédie Wikipédia, le terme rhume désigne une maladie infectieuse des voies respiratoires qui se manifeste par une rhinite, écoulement nasal, éternuement. Jusque-là, rien de bien neuf. Cependant, ni le coup de froid, ni les chutes de température ne déclenchent le rhume. Dans 80% des cas, il s'agit d'une attaque virale. L'individu touché a donc été en contact avec le virus d'une façon ou d'une autre. Pourquoi se manifeste-t-il par temps froid alors? En automne ou hiver, le taux d'humidité de l'air est élevé, ce qui favorise la survie du virus à l'air libre. Vive les hivers froids mais secs. En hiver, le corps est moins actif pour se défendre. Il lutte contre le foie, la fatigue est souvent plus présente. Nos défenses immunitaires sont souvent moins accrues. La transmission du virus se fait par voie aérienne, éternuement ou toux, ou lors d'un contact. Des études ont montré que les rhinovirus sont présents sur les mains de 40 à 90% des personnes atteintes et sur les objets touchés, par exemple les poignées de porte. Sachant aussi que le virus peut survivre des heures sur des supports inertes, les antibiotiques n'ont aucun effet, sauf en cas de surinfection bactérienne. Le rhume se guérit seul en 7 jours. Petite expérience perso, je ne protège pas spécialement mes enfants du froid, ils sont généralement peu couverts, même en hiver, en tout cas pas plus que moi, et n'ont pas plus de rhume que les autres, voire moins. Par contre, gardés en crèche, ils y ont subi des contaminations importantes par ce virus bénin, cela contribue fortement à renforcer les défenses immunitaires. Nos chers bambins sont responsables 7 fois sur 10 de la transmission vers les adultes, d'où l'importance de leur apprendre très vite à mettre la main devant le nez, la bouche, à se laver les mains régulièrement, savon antiseptique, n'oublions pas de nettoyer régulièrement les poignées de porte. À très bientôt. Donc c'est Pascal sur son blog Le Monde et Nous qui fait une belle réponse au quiz du mois, je trouve. Même si elle l'avait écrit son article avant. D'accord. On a reçu une longue réponse de Valentin. Une longue réponse de Valentin qui dit « Bonsoir à toute l'équipe de Podcast Science, cela fait bien longtemps que j'écoute le podcast, quasiment depuis le début en vérité. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce temps que j'ai passé avec vous, ainsi que celui qui viendra. J'en ai presque la chair de poule. En effet, participer à un quiz me permettrait de vous le dire. » Donc oui, le quiz. Se couvrir permet de ne pas attraper froid, c'est bien ça ? Déjà, froid veut sans doute dire le rhume, ce petit truc embêtant qui encombre nos narines d'un joli liquide jaunâtre avec en bonus une inflammation de la gorge. Si on prend depuis le début, le rhume s'attrape souvent l'hiver car généralement dans nos contrées, la température est un peu plus fraîche. Cela entraîne une faiblesse de la part de notre système immunitaire car notre corps est mobilisé pour stabiliser notre température interne. Donc, si on abaisse nos défenses, c'est la porte ouverte à tous les organismes qui voient notre corps comme un petit repère douillet, propice à leur multiplication comme les rhinovirus. D'ailleurs, les symptômes décrits plus haut du rhume ne viennent pas du virus en lui-même, mais bien de la réaction de notre système immunitaire face à lui, comme l'inflammation. Et ainsi, après une lutte acharnée, vous donne l'immunité face à celui-ci en quelques jours. Ce qui nous amène au point intéressant. Ce virus doit alors sans cesse sauter de personne en personne pour se multiplier si on s'immunise après un premier contact. Une expérience amusante pour le montrer serait de se promener à poil au pôle. Vous serez mort, oui, mais garanti 100% rhume free. Donc, pour répondre au quiz, c'est un peu des guillicas. Mais si on considère toujours froid comme rhume, on peut bien dire que c'est plutôt une info sans vraiment comprendre le mécanisme derrière. Mais cela tient plus de la recette de grand-mère qu'une belle explication scientifique. Du moins, c'était le but. Je me rappelle d'un excellent What If de Munro où justement, il était question du fameux rhume et de son explication ainsi que son éradication qui semble pour le moins compromis. Non, je ne lis pas la fin. Je vais me faire rayer. Donc, il fait allusion au livre ouais, What If de Munro, j'ai oublié son prénom. Randall Munro. Qui est la réponse absurde à plein de questions et qui est juste un merveilleux bouquin. Donc, on le rappelle. Confirme. Je l'ai reçu en papier en plus. Et si je commande un livre en papier, ouais, je peux me dire qu'il est bien. C'est vraiment un signe. Ok, nouveau message vocal de Guilin. Salut Podcast Science, ici Guilin. J'apporte une réponse au quiz du mois. Enfin, une réponse, non. J'apporte une vision sur le quiz du mois. Moi, mon opinion, c'est que le corps humain, il a besoin de fonctionner à une certaine température idéale et que s'il se refroidit trop... il se fatigue à désespérer pour se réchauffer. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que le corps humain, s'il est trop refroidi, il est plus faible. Donc plus faible, j'en déduis que certaines fonctions vont être mises en sommeil pour préserver les fonctions essentielles du corps. Et du coup, peut s'en suivre certaines pathologies. Par contre, j'ai tendance à penser aussi que certaines bactéries ou certains virus sont peut-être également sensibles au froid et que du coup ces mêmes bactéries ou virus sont de toute façon inhibés quand il fait trop froid et que se balader dehors sans être trop habillé, il n'y a pas forcément plus de risque de choper une bactérie ou un virus qui de toute façon, si c'est... un virus qui s'attrape, j'en sais moi, par les poignées de main ou les éternuements ou ce genre de choses, c'est pas forcément le fait d'être couvert quand vous êtes dehors qui va faire que vous serez malade, c'est plus le fait de d'être en contact avec vos collègues ou j'en sais rien. Voilà, donc du coup c'est un peu une réponse bicéphale, mais je pense que ça ouvre un petit peu la réflexion et en effet c'est pas un quiz si évident que ça. Donc malgré tout, je pense que c'est une info. Il faut que le corps il reste à une certaine température, donc il faut le couvrir. Mais voilà, c'est pas une réponse tout noir tout blanc. Allez, continuez bien. Que service la science soit votre joie ou pas, selon vos débats. Et puis à une prochaine. On a reçu la participation de notre ami John Kallak. Robin. Bonjour Julie, bonjour à tous et très bonne année 2015. Je vais faire court, mais je penche pour une info, n'en déplaise à Nico. Je me souviens avoir entendu un médecin en parler sur France 5, disant que ce n'était pas le froid à proprement parler qui provoquait les rhumes et autres, mais la présence plus importante de virus à ces périodes de l'année. D'ailleurs, si Nico n'y croit toujours pas, ce n'est pas moi qui le dis, mais Vic. Et donc il donne le lien. Merci à vous et continuez comme ça, je participe rarement, mais je vous écoute toujours avec assiduité. Ok, on a également reçu la réponse de Mathieu avec une petite pointe de critique. Bonsoir à tous. En interprétant la question, c'est-à-dire que attraper foie signifie tomber malade et non avoir une hypothermie, je pense que la probabilité d'attraper un virus dépend plus de notre état métabolique que de la température de notre corps dans la mesure où l'exposition au froid soit modérée. Donc, intox, Matt in the sky. PS, la question mérite d'être mieux formulée sans vexer l'auteur. Donc, tu ne me vexes pas, Mathieu, tu as raison. C'était peut-être un peu flou et un peu vague. Mais en tout cas, les réponses sont quand même bien dans le thème, je trouve. Bon, entre-temps, on a reçu le grand retour d'Inti pour cette année 2015. Ah, ah, je super. Suis fan de son... C'est un dessin, une peinture, je suis fan, j'adore. Voilà, donc tu as déjà un fan Inti pour l'année 2015, un nouveau fan. Et enfin, pour terminer, on a reçu la réponse de Geoffrey qui était très très bien expliquée. C'est la réponse de Geoffrey. Bonsoir à tous, comme j'ai trouvé le quiz du mois pas si bête que ça, j'ai eu envie de répondre. Quand on entend ce genre de questions, on a envie de hurler « Intox !» en prenant un air « Monsieur, je sais tout » autosatisfait. Mais en y réfléchissant deux fois, c'est peut-être au moins une demi-info. Juste un petit aparté sur l'expression « attraper froid ». Je me demande si ça ne viendrait pas de l'anglais « to catch a cold ». Puisqu'en anglais « cold » désigne directement le rhume, alors qu'en français, ça n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose. Bref. Pour répondre au premier degré, le rhume, ça ne pousse pas sur les flocons de neige. C'est une infection due à un virus et donc forcément ça s'attrape d'homme à homme, éternuement par exemple. Je ne sais pas combien de temps ça peut persister hors du corps humain, mais je suis sûr que si chacun s'enfermait chez soi suffisamment longtemps, à condition que le virus ne soit pas transmissible à une autre espèce, mais il semble que c'est le cas, pour en aparté, c'est exactement à cette question que répond Randall Munroe. C'est est-ce que si on s'enferme suffisamment longtemps chacun dans son coin sans se toucher, est-ce qu'on arrive à éradiquer le rhume ? On éradique le rhume. Bon, après, si la moitié de la planète meurt d'inhalation dans le process, voilà quoi. Donc, si on prend la question strictement comme elle a été énoncée, non, il ne suffit pas de se couvrir pour attraper un rhume. Je pense qu'il voulait dire l'inverse. Ou toute non, autre t'as infection raté un genre. Mot. Il ne suffit pas. Pour ne pas attraper un rhume. Oui. Donc, il ne suffit pas de se couvrir pour attraper un rhume. Ça va, je ne sais pas lire. Maintenant, je trouve dommage de m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans cette question. En gros, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait de ne pas se couvrir quand il fait froid et le rhume ? Là, j'ai envie de répondre oui. L'air froid fait notoirement deux choses à notre organisme. Il dessèche la muqueuse nasale et il fait baisser la température de corps. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est que la muqueuse nasale doit être humide pour jouer son rôle de barrière contre les virus. Donc, un bon point pour les cache-nez et les écharpes montant au niveau du nez, qui permettent de créer une bulle d'air plus chaud et plus humide autour du nez et de la bouche en recyclant la vapeur d'eau de la chaleur expirée. Une chose dont je suis moins sûr, mais qui semble assez intuitive, c'est que les virus n'aiment pas trop la chaleur. Le rhinovirus, par exemple, prolifère dans la muqueuse nasale justement parce que la température y est basse. Par ailleurs, il est bien connu que la fièvre est un mécanisme de défense immunitaire. Donc, ça m'étonnerait pas que certains virus se multiplient plus vite quand la température du pharynx et du canal nasal baisse, à confirmer. Je crois qu'on a tendance à oublier qu'on vit dans un environnement où traînent plein d'agents infectieux et que notre corps se défend en permanence. On se dit malade quand on ressent une fatigue ou qu'on a des symptômes bien visibles. Mais combien d'assauts sont lancés chaque jour sans succès contre notre organisme ? Donc, le fond du problème, d'après moi, ce n'est pas tellement d'éviter le contact avec les agents infectieux, mais d'y résister. Sans être franchement malade, je suis sans doute en train de me défendre contre des agents pathogènes quand je sors bêtement sans me couvrir en plein hiver. Et ce faisant, je ne peux que saboter les efforts que fait mon organisme pour me défendre. Donc je ne dis pas que ne pas se couvrir donne le rhume, mais je pense qu'on est plus souvent qu'on ne le pense au bord de tomber malade et que l'expression « attraper froid » décrit une certaine réalité. Bien à vous, Geoffrey. Ben merci Geoffrey, c'était bien détaillé. Bon, on peut passer à la réponse officielle de Podcast Science ? Ouais. Nico, j'ai un peu peur que tu sois déçu. Mais bon. Je faisais ça pour attiser la curiosité. La première réponse que j'ai, bah, comme Geoffrey, c'est de crier un tox. Les rhumes, grippes et autres sont des virus, et donc pour tomber malade, il faut être au contact de ce virus. Attraper froid, ça n'a pas vraiment de sens. La bonne question à poser, et celle sur laquelle on peut se demander si on a affaire à une info ou une intox, c'est est-ce que le froid nous rend plus vulnérables et plus susceptibles de contracter l'un de ces 10 virus ? Je pense que à peu près tout a été dit par les messages qu'on vient de lire, mais je vais quand même refaire un petit point sur ce que nous disent les études. Tiens, d'ailleurs, Alicia, t'as un avis sur ce quiz ? Avant que je te donne la réponse. J'étais en train de lire l'image Art Science en face de moi. Du coup, j'étais pas concentrée sur ce que tu disais en ce moment. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que le froid, est-ce que il faut se couvrir Enfin, le froid peut entraîner des maladies. Alors, il y a un indice, c'est que là, il fait un peu froid chez moi et elle a mis un manteau, une écharpe, elle s'est couverte, quoi. Ah, moi, je suis pour me couvrir, au moins. J'évite d'être malade, sachant que j'ai pas de sécu en plus là en ce moment, donc je me couvre, je suis pas sexy mais je me couvre et au moins je passe l'hiver tranquille. Moi j'ai constaté que quand je fais du vélo sans écharpe, j'ai mal à la gorge. Très bien, donc ton expérience nous permet d'orienter notre réponse. Je pense que je l'ai déjà dit peut-être, donc à peu près tout a été dit par les messages qu'on vient de lire, mais je vais quand même refaire un point sur ce que nous disent les études. Donc, j'ai relevé 3 études qui correspondent à notre sujet. Donc, la première, c'est une étude de 58 qui a étudié l'influence de la température sur la transmission du rhume. Donc, je n'ai pas pu y avoir accès directement, mais je vais vous donner le résumé qu'en donne Aaron Carroll sur Healthcare Triage. Donc, c'est la vidéo que nous ont transmis deux auditeurs. Donc en fait, il y a 3 groupes qui ont été exposés à des conditions différentes. Donc il y avait un groupe dans le froid mais couvert, un groupe au chaud mais en sous-vêtements et un groupe encore en sous-vêtements dans du encore plus chaud. Donc de mémoire, c'était 60 degrés et 80 degrés. À la fin de l'expérience, chaque personne a reçu une inoculation du virus du rhume. Donc il n'y a aucune différence significative sur le nombre de personnes qui ont développé la maladie en fonction de la température. Il n'y avait pas de différence. La deuxième étude a porté sur des prisonniers au Texas. Donc, 2 groupes ont été mis soit dans une salle à 4 degrés, soit dans un bain à 32 degrés. Et ensuite, même chose, on leur a inoculé le virus. Et comme dans la première étude, il n'y a aucune différence significative qui a été observée. Donc, ces 2 études ont permis d'affirmer pendant plusieurs années que le mythe du froid qui cause des maladies était une grosse intox. Alors, cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 2005, une étude de Claire Johnson et Ronald Eccles remet tout en cause. Ils ont observé les différences de développement de symptômes du rhume entre 2 groupes de personnes. Le premier groupe gardait ses pieds trempés dans de l'eau froide et les autres ne faisaient rien du tout. Dans les jours qui suivaient, les sujets devaient rapporter s'ils avaient développé des symptômes du rhume et il s'avère que les personnes aux pieds mouillés étaient 10% de plus à déclarer être malades. Une explication proposée par l'étude est que lorsqu'on est exposé au froid, les vaisseaux se contractent, ce qui inhiberait le système immunitaire, empêchant les globules blancs d'accéder au virus. Il y a aussi l'explication, très justement rapportée par, je ne sais plus qui, que l'air froid et sec sèche les muqueuses du nez, qui permettent habituellement de faire une barrière au virus. Alors, une faiblesse de cette étude, c'est qu'elle n'étudie pas réellement le développement des symptômes, comme dans les études qu'on a vues précédemment. Ce sont simplement les sujets qui rapportent s'ils se considèrent comme malades ou non. Alors, on reste sur une intox ou pas ? Donc, dernier rebondissement dans l'affaire signalée par notre ami Pierre Kerner. Une étude sur des souris susceptibles de contracter certains rhinovirus a montré que celles qui étaient dans des conditions de température plus chaudes développaient une réponse immunitaire plus importante et arrivaient à battre le virus plus facilement que celles dans le froid. Ils ont également constaté que des cellules de voie respiratoire humaine mises en contact avec un virus dans un environnement plutôt chaud avaient plus tendance à se mettre en état de mort cellulaire. Le suicide déclenché par le système immunitaire aurait pour but de stopper la propagation de la maladie. Donc cette étude n'est pas encore publiée, mais pourrait préciser les mécanismes mis en évidence dans l'étude de 2005. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas exposé au virus, vous ne pouvez pas tomber malade. Comme l'a dit Valentin, si vous vous promenez à poil au pôle Nord, vous serez mort, oui, mais garanti 100% rhume fruit. Donc, intox. Donc, tous mes quiz ne sont pas des infos, Nico. Ouais, maintenant, pour le rhume, quoi. Ah bah attends. Bref. Bon, en tout cas, j'ai essayé de rechecker dans le bouquin. Je crois en effet que si tout le monde s'isolait pour éradiquer le rhume, ça ne marcherait pas des tonnes, je crois. Non, parce qu'il y a toujours des problèmes de que tu ne peux pas isoler tout le monde. Non, mais il imaginait quand même des SWAT et il me semble que ça ne marchait pas. Je ne sais plus pour quelle raison. Il faudrait que je relise le passage. Robin, es-tu prêt pour ta rubrique ? Ouais, non. Alors, je... Tu veux dire Robin non. Et Boson, êtes-vous prêts pour la rubrique ? Je ne m'y attendais pas. Ouais, non, je me doute que tu ne t'y attendais pas. Non, disons que je vais faire un truc qui est peut-être mal, je ne sais pas, mais je vais surtout inciter les gens à aller se renseigner dessus. C'est une histoire rigolote, c'est une histoire marrante que je vais mal raconter parce que j'ai vraiment, encore une fois, pas eu le temps de préparer sérieusement et que la dernière fois, je m'en suis voulu d'avoir à ce point pas préparé sérieusement. Donc là, j'avoue ne pas avoir préparé sérieusement. Et je fais pas une vraie rubrique. Je vais juste vous parler rapidement d'un personnage qui est sympathique a priori, mais qui a donc fait un beau gros plantage comme je les aime en tout cas. Je sais pas si tout le monde les aime, mais comme je les aime. C'était un général américain qui après la guerre de sécession a essayé de faire des choses bien pour les gens, pour le monde, tout ça. Et donc en fait il a essayé de trouver, alors je sais plus, c'est là que voilà, j'ai pas recreusé, j'ai des documents et tout, mais j'ai pas eu le temps de recreuser, mais il a observé que en mettant des vers colorés devant des plantes et notamment des vignes, ça donnait du raisin plus gros. Il a essayé avec plusieurs couleurs, il a essayé avec 100 couleurs, donc une verrière transparente, puis des vitres teintées de différentes couleurs. Et puis il a repéré que quand on mettait une vitre de couleur bleue, les grains de raisin étaient plus gros. Il raconte même dans son bouquin qu'il a fini par publier un bouquin là-dessus. Il raconte même la visite d'un, c'est assez drôle, d'un spécialiste des vignes qui dit qu'il a jamais vu de raisin aussi gros, tout ça, que c'était complètement extraordinaire, machin. Et puis il dit voilà, la première année donc il a mis des vitres bleues partout en disant bon, si c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Et donc voilà, il raconte à quel point le raisin était d'une grosseur énorme, extraordinaire, tout ça, que l'année d'après, pareil, et que l'année d'après, il se disait, bon, quand même, ça va être plus petit, parce qu'on sait qu'après une bonne récolte, le sol a besoin de se reposer, et que pas du tout, l'année d'après, c'était encore du raisin énorme. Et donc voilà, donc c'est absolument extraordinaire. Du coup, après, il a fait l'expérience avec des animaux, pour voir si ça fonctionnait aussi. Et donc, il a fait l'expérience avec des cochons, notamment. Et puis pour regarder si les cochons se développaient différemment ou pas sous une verrière transparente ou sous une verrière bleue. Donc il a fait l'expérience. Alors dans son bouquin, sa communication, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un truc assez court, qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs, qu'on peut lire, c'est en anglais, mais voilà, on peut le lire. Il explique que, donc il donne les poids exactement, il explique qu'il a donné exactement autant à manger des deux côtés, les mêmes quantités aux cochons des deux côtés, il a mis les mêmes types de cochons des deux côtés, etc. Et puis il a relevé le poids au début, au milieu, à la fin. Et alors c'est assez drôle parce que, voilà, ça va pas aussi bien que ce qu'il voudrait, mais il explique quand même que, bah d'accord, il y a un des cochons là qui était moins gros à l'arrivée que celui qui était sous le vert blanc, un cochon qui était sous le vert bleu, mais c'est parce qu'à la base il était déjà plus petit et que si on rapporte ça à la masse qu'ils avaient au début, etc., quand même il aurait été plus grand, tout ça. Enfin bon, bref, donc il s'arrange un peu comme il peut, il a envie d'y croire, quoi. Et après, il a fait des communications là-dessus et il a convaincu qu'on pouvait soigner des gens avec ça. Donc, on pouvait soigner des maladies. Donc, il a fait plein d'études. Quel type de bleu, etc. Quel type de vert devait être construit. Et alors là, je ne me rappelle plus les détails parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais autant que je me souvienne, ça a été complètement démentiel pendant un moment. C'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre suffisamment de monde pour qu'il y ait des fabrications de vert bleu à échelle énorme, à échelle industrielle très très importante. Et donc il y a vraiment eu une espèce de vague de construction de vérandas avec des verres bleus et d'industriels qui sont mis à fabriquer du verre bleu tout ça pour évidemment se rendre compte que ça fonctionnait pas. Hein. Enfin, puisque de toute façon dans cette rubrique je parle que de trucs qui fonctionnent pas. Vous attendiez pas à ce que ça se termine autrement. Mais lui, il y a cru jusqu'au bout. Il a vraiment. Et puis alors, je l'ai lu, mais comme d'habitude, j'oublie de prendre des notes, donc j'oublie où j'ai vu ça. Je voulais le retrouver et j'ai pas à retrouver, donc je le dis avec précaution. Mais je trouve ça assez drôle, un de ses arguments pour dire que la lumière bleue, c'est naturel que ça fasse du bien aux plantes et à nous, c'est que, ben, regardez, les plantes, elles poussent l'été, et l'été, il y a plus souvent de lumière bleue, et le ciel est plus longtemps bleu que l'hiver, c'est bien pour ça, ça prouve. Donc avec des arguments comme celui-là, évidemment. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'apparemment, il a vraiment réussi à convaincre beaucoup de monde pendant quelques années. Et puis qu'après, bon, évidemment, les gens se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Enfin, je dis les gens se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, ce qui est très drôle. Et c'est pas la première fois avec mes théories qui ont raté que je me rends compte de ça. Ce qui est très drôle, c'est que, en fait, pas tout le monde, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui font ce qu'ils appellent de la chromothérapie, qui est le fait de se soigner par des diffusions de lumière, de couleurs. Et apparemment, il y en a qui se réclament de ce général qui s'appelait donc Pleasanton, avec mon superbe accent. Et donc, en fait, voilà, il y a des descendants de cet homme-là aujourd'hui, puisqu'il y a une médecine alternative qui est basée sur l'étude de la diffusion de couleurs qui soigne des maladies. Et donc, en fait, en fonction de la maladie... Alors, j'aime beaucoup parce que dans ce que j'ai vu, il y a vraiment typiquement les trucs où on se dit « Ouh là là là là, ça pue !» Du style, il faut que ça soit exactement la bonne longueur d'onde et il faut que ça soit la bonne durée d'exposition pour soigner une maladie. Parce que si on expose trop longtemps, ça peut avoir l'effet inverse. On a l'impression d'être un petit peu avec l'astrologie ou les trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est ça, sauf si c'est le contraire, parce que vous comprenez, éventuellement, il y a l'ascendant ou je ne sais quoi. Voilà. Donc il y a des descendants qui ont l'air largement plus délirants que l'origine, que l'original. Voilà, donc j'ai pas fait une vraie rubrique soigner tout ça en cherchant mes sources. Je peux juste dire que l'histoire de cet homme-là, c'est pas si facile que ça de trouver des choses sur Internet, si ce n'est qu'on trouve son œuvre, ce qui est quand même sympa, donc qui s'appelle l'influence, alors je vais faire de la traduction de l'anglais en direct, c'est pas terrible, mais l'influence des rayons bleus du soleil et de la couleur bleue du ciel sur le développement des animaux et de la vie animale et végétale. Voilà. Pourquoi pas. Et donc il a envoyé ça à la société de l'agriculture, de promotion de l'agriculture. Au cas où, parce qu'autour de cette table il y a des gens qui font une tête bizarre, Robin explique des fails scientifiques. Ah oui, voilà. Oui, donc le principe, oui, c'est à chaque fois de parler d'échecs, de ratage, voilà. Donc vous pouvez trouver son texte sur Internet. Il est à disposition. Alors toutes les pages ne sont pas lisibles, malheureusement. Il y a dû avoir des bugs dans le scan. Et vous pouvez trouver aussi, alors vaguement des informations sur lui, sur le Wikipédia en anglais, pas en français. Et il ne faut pas confondre parce qu'il a un frère ou un père ou je ne sais pas quoi qui a aussi un article. Donc lui, c'est Augustus J, je ne sais plus ce que c'est, Pleasanton. Et puis surtout, vous pouvez aussi entendre, enfin lire son histoire dans le bouquin dont j'avais déjà parlé, qui est La folie de Banvard, qui est un livre qui m'a plus ou moins donné l'idée de faire cette rubrique, qui recense des échecs. Qui est dans le livre de Paul Collins. Voilà. Et promis, pour la prochaine rubrique, j'essaye de travailler à temps. Non, mais franchement, pour un truc qui n'était pas trop préparé, c'était pas mal. Ouais, mais c'est là que c'est un scandale, c'est que les gens m'engueulent pas quand je fais pas mon boulot. Ouais. C'est là tout ton talent, là, en fait. Ils vont commencer à t'engueuler parce que tu commences à avoir un sacré nombre de dossiers de retard. Quand ça fait un livre, tu nous écris. Ah non, mais livre, attends, quoi. De toute façon, les fails, il n'a jamais été question qu'il fasse un dossier parce que sinon, on s'en sort plus, hein. Exactement. Non, mais merci, Julie, même sans parler des fails. Non, même sans parler. Alors, sans parler. Non, la dernière fois, j'ai réussi à lui extorquer la cristallographie. Non, mais c'est même pas ça. S'il vous plaît, Julie, j'aimerais que tu rappelles une information que nous avons eue lors du numéro de fin d'année. Je ne suis pas le pire. Je ne suis pas le pire en termes de. À égalité avec David. Dans les membres actuels, tu es le pire. Bref, on passe à la suite, parce que les freestyles ont commencé à durer une plombe. Donc, voilà, on va essayer de s'activer. Surtout qu'on a des retours sur des dossiers qui sont finis depuis un an et demi. Donc, Non mais attends, ça valait le coup. Donc c'est un peu ancien, c'était sur les nombres premiers par Robin, mais j'ai quand même bien aimé. C'est le premier dossier de Robin, membre de l'équipe, je dirais, je crois, non ? C'est... Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est le 101 ou le 102, non ? Ouais, quelque chose comme ça. Et donc c'est un retour de Julien qui nous écrit « J'ai vraiment adoré cet épisode, j'ai trouvé le dossier passionnant et accessible, du moins à condition d'avoir une formation scientifique minimum. J'ai beaucoup aimé l'enthousiasme de Robin et Nico. Déjà plus de 100 épisodes écoutés et autant à venir, j'aime toujours autant ce que vous faites, si ce n'est plus. Merci à vous. Continuez comme ça. » Ah oui, c'est pas mal, il nous fait un point d'étape, quoi. Ouais. Il a écouté la moitié. J'aime bien. Ça. Non, mais il a écouté plus de la moitié puisque c'était après le 100, donc... Ouais. Et puis il y a Ogren qui nous a dit aussi à ce sujet un petit coucou juste pour dire que je viens d'écouter un des premiers épisodes de Robin, je crois que c'est son second, les nombres premiers. J'ai adoré tout autant que ses plus récents épisodes, mais je vois que vous vous moquiez, surtout Alan, déjà de lui à ses débuts. Je trouve qu'il explique bien, c'est clair et pas trop pointu, et les sons, encore une fois, j'adore. Dommage qu'il n'y en ait plus. Voilà mes compliments, Florian / Ogren. Il y a plus de son. J'essaye toujours d'en mettre, mais je vais continuer à essayer d'en mettre parce que c'est quelque chose qui me plaît moi aussi beaucoup et j'avais eu des retours positifs, donc je vais essayer. C'est juste ça prend encore plus de temps. Je suis toujours à la rage. Non, mais c'est vrai que moi je l'ai réécouté il y a pas longtemps aussi et c'est vraiment un super dossier pour ceux qui n'ont pas encore écouté. C'était encore un moment où je m'appliquais et tout ça. C'était quoi. Le moment où il avait peur de pas se faire recruter, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et si vous voulez le lire, vous pouvez celui-là. Ouais, il est en ligne celui-là. Ah là, je crois qu'il l'avait mis en ligne avant même. Ouais. Non, tu peux c'était pas dire. C'était la bonne époque, ça. C'était pas encore là, tu peux pas savoir. Non, parce qu'il le dit pendant l'émission. Ah ouais. Pour ceux qui sont dans la chatroom, vous pouvez voir, il y a le dossier de Robin en ligne. C'est fou. Ça n'existe plus, ça. Non, mais. Bon, on va revenir sur un dossier un peu plus récent, Interstellar. Ouais, on a Mantine qui nous dit « Bon épisode, un peu trop monologue à mon goût. J'aurais aimé savoir l'avis des autres participants sur le film et ses côtés scientifiques, mais j'imagine que tous ne l'avaient pas vu ni lu le livre de Kip Thorne. » Je crois que c'est exactement ça. Il me semble que personne, à part moi, n'avait lu le livre et au niveau vu le film, je crois qu'il y avait peut-être Pascal qui l'avait vu, mais il me semble que c'était tout, non ? Non, on l'avait vu. Bon, ah oui, toi, tu l'avais vu aussi. Mais je crois qu'Alan ne l'avait pas encore vu. Tout à fait. Spoiler ! Attention, lors de ma vision du film et de la scène finale dans le trou noir, je n'ai pas visualisé l'hypercube au sens mathématique, mais une représentation simpliste de la quatrième dimension à la manière d'une pellicule de film où les images juxtaposées représentant l'écoulement du temps. Là, ce sont des espaces qui sont juxtaposés, pas vraiment mind-blowing comme représentation, mais enfin, c'est une tentative louable. Ouais, je suis assez d'accord en fait, mais je trouve que c'est amusant la construction. Sinon, je voudrais partager un lien, donc à nos fils, un lien qu'on mettra dans la note de l'émission, délire de bureau que m'a inspiré un tableau Excel tarabiscoté d'un collègue qui réfléchit en 5 ou 6 dimensions et qui ne parvient pas à nous traduire sa pensée. J'ai donc assimilé au réalisateur d'Interstellar qui mérite même une projection à la géode. Bonne continuation, be seeing you, Mantine. Voilà, t'as mis l'image dans la chatroom. Ouais, je vais mettre l'image dans la chatroom. Je suis en train de chercher le lien parce qu'il est pété. C'est un Excel en 4 dimensions. Enfin voilà. Bah du coup, pendant que tu cherches l'Excel, je continue. On avait une remarque de Moby Dick sur Flatland. Donc ce fameux livre que je vous conseille de lire à chaque fois, qui a un seul défaut, c'est qu'il est misogyne. Mais il a 200 ans pour excuser ça, entre guillemets, et qui parle donc de dimensions. Il dit « Je viens de regarder un court-métrage d'animation et contre toute attente, ça m'a terriblement fait penser à vous et à cette émission en particulier. Il faut que vous le regardiez, c'est l'histoire d'un lapin et d'un cerf qui vivent heureux en deux dimensions, jusqu'à ce que le cerf découvre qu'il a peut-être une troisième et décide de partir à sa cherche. Bref, j'ai pas lu Flatland, mais à vue de pif, je dirais que c'est plus poétique et moins misogyne. » Le film en question. Donc en effet, le film est très sympa. Ouais, tu l'as regardé aussi ? Ouais, par contre, il y a une différence, c'est que Flatland a été fait par un matheux, et donc il respecte certains trucs, c'est que quand on est en 2D, on peut pas s'intersecter les autres trucs, quoi, ça marche pas. Alors que là, il fait une représentation 2D du monde 3D, en fait. C'est ouais. ça, c'est très marrant. Et d'ailleurs, il y a Topo aussi qui nous a envoyé, du coup, suite à ça, un autre film pareil qui joue avec l'idée de 2D et de 3D. Et c'est super marrant parce qu'effectivement, c'est des représentations qui font absolument aucun sens quand on y pense, quand on pense à vraiment des vrais êtres ouais. qui pourraient vivre en 2D, quoi. Parce qu'ils peuvent tourner la tête, ils peuvent passer le bras devant le corps, ils peuvent se croiser. Dans Flatland, c'est clairement le truc le plus intéressant, c'est que justement, c'est le bordel parce qu'on ne peut pas faire grand-chose en fait. Et voir dans Lineland, c'est-à-dire le monde en une dimension, ouais. c'est pire encore parce que là, tu ne verras définitivement que quand si tu en vivais sur une ligne, tu es condamné à ne voir que tes deux voisins, ton voisin de gauche et ton. Non, enfin, tu es condamné à voir qu'un de tes voisins et ton cul est condamné à voir que ton autre voisin. Point barre. Et d'ailleurs, il y a quand même des gens, enfin, faut en parler, je ne sais plus si on en a déjà parlé ici, mais il y a quand même des gens qui ont passé énormément de temps à essayer d'imaginer comment on peut faire une porte sur Flatland, c'est-à-dire qu'un gond, c'est un truc très compliqué, comment on peut faire comment des gens peuvent se croiser, effectivement, c'est un problème, comment des gens, comment faire, attends, il y avait quoi, une serrure, il y avait la question de comment on peut faire une serrure, il y a des gens qui ont imaginé des systèmes pour que les habitants de Flatland puissent se croiser en faisant des... Je sais pas si t'as déjà vu ça, des escaliers qui descendent et puis un sol amovible au-dessus pour que les gens puissent se croiser, tout ça. Enfin bon, il y a des gens qui sont allés très très loin et avec la constatation, j'espère que personne n'est en train de manger, mais avec la constatation aussi essentielle que un habitant de Flatland ne peut pas avoir un tube digestif comme nous, sinon il est coupé en deux. Tout à fait. S'il y a une entrée et une sortie, ça coupe son corps en deux. Donc il est obligé de ressortir par là où c'est rentré, quoi. Voilà. Il y a pas de trou dans Flatland. Non, il n'y a que des creux. Ok. Et enfin, il y a. Mais oui. Il reste que les courts métrages étaient très mignons. Tout à fait. Donc il y a Ewi qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Encore bravo pour ce podcast qui poutre toute mention spéciale au dossier Voyager et Interstellar. Quoique dans ce dernier, je trouve dommage de ne pas avoir parlé de EPR égale ER. Proposé par Malda Sena courant 2013. Et pour avoir une idée de se représenter la dimension 4, je vous propose le film Dimension, qui explique super bien tout ça, dont on vous mettra aussi le lien dans les notes de l'émission. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire EPR égale ER. Et d'ailleurs, je crois que Ewi est dans la chatroom. Ouais, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une bonne excuse ou pas? Je pense que c'est pas mal. Donc j'espère qu'Ewi va avoir le temps de nous le dire. Moi, je pense. En attendant qu'il nous explique ça, on a eu aussi quelques suggestions pour les Podcast Science Awards 2015. Donc il y a Fred qui nous envoie. Pour moi, mon very best of Podcast Science 2014 est sans conteste le débat sur les OGM entre Marc Robinson-Réchavi et Martial de Montmolin. Avant l'émission avec Marc Robinson-Réchavi, j'avais l'opinion européenne de base des anti-OGM qui n'y connaissent rien au sujet et qui s'y opposent par défaut. Ce podcast, avec la réponse très riche de Martial de Montmolin, dans le Freestyle 172 et la mise au point d'Alan ont permis d'enrichir considérablement le débat et de m'aider à mieux comprendre les enjeux. C'est ce qu'on peut attendre d'un vrai débat public sur un sujet controversé. Grand merci à Podcast Science de nous fournir des contenus de cette qualité. Vous devriez être diffusé à la radio. Je suis tout à fait d'accord. Surtout que j'y suis pour rien, je suis tout à fait d'accord. un interview à réécouter et puis pensez aussi à réécouter entre guillemets droit de réponse qu'il y avait eu dans un épisode après sur un peu un avis différent sur les OGM, c'est gentil quoi. Donc on va presque terminer avec les médecines alternatives, un dossier sur lequel on pensait avoir une tonne de courriers de lecteurs enragés. Et en fait non. Et puis finalement c'est plutôt bien placé. Il faut vraiment qu'on se remette à parler du monde pour avoir des réunions quoi. Par contre l'évolution, on reçoit toujours des messages. Hein. Le dossier a beau être un peu ancien. Et puis durer 3 heures pour expliquer ce qu'il en est, mais non. Parce qu'en tout, on aura fait quand même 10 heures à peu près sur l'évolution entre les sujets de topo et puis le débat. Nico, tu nous lis le message de Dimitri ? Le message de Dimitri, excellent épisode. Nima est un orateur hors pair sur le sujet. Je l'ai trouvé passionnant du début à la fin et j'adhère à 200% à ce qu'il dit, notamment sur la nécessité des études en double aveugle et des méta-études avant de valider une quelconque thérapie. J'ai déjà souvent eu cette discussion avec un ami d'enfance qui a mal tourné et qui est devenu ostéopathe. Ouais, ça va vachement mal tourner. C'est une sorte d'humour, c'est peut-être un peu exagéré de dire qu'il a mal tourné, en effet. Mais c'est vraiment difficile, disons plutôt impossible, de lui faire entendre raison sur le manque de fondement scientifique de sa branche. Après l'écoute du podcast, j'ai pu me réapprovisionner de mes arguments et je suis prêt à repartir à l'assaut de la forteresse. Souhaitez ma bonne chance dans cette quête que je sens dès le départ voué à l'échec, je ne renoncerai pas. Je vaincrai l'obscurantiste et la science triomphera. Ah bah, bon courage, effectivement. Moi, suite à cet épisode, j'ai commencé à lire, je ne l'ai pas encore fini, Bad Science, que conseillait Nima. J'avais déjà lu donc, le bouquin de Simon Sinek dont il parlait aussi. Et si vous vous demandez, que vous avez envie d'en lire un peu plus par rapport à cet épisode, moi, je conseillerais de commencer par Bad Science plutôt que le bouquin de Simon Sinek, parce qu'il est beaucoup plus accessible. Et entre autres, il y a en effet un chapitre qui est assez passionnant sur le placebo, voire même complètement délirant, quoi. Pour vous de mettre l'eau à la bouche, ils ont essayé une expérience. Alors, sur le côté éthique de l'expérience, il faudra qu'on en discute, hein, mais ils ont pris des femmes enceintes qui avaient des vomissements et ils leur ont dit « je vous donne un anti-vomitif », mais en fait, ils lui ont donné du vomitif. Et il y a des femmes chez qui ça a quand même arrêté leur vomissement. C'est-à-dire que le placebo, non seulement avait un effet, mais un effet suffisant pour annuler l'effet du vomitif. Donc, des trucs assez impressionnants où, en fait, ce qui résume bien, moi, ce que je trouve, l'aspect sur comment lutter ou comment se mettre d'accord sur la médecine alternative, c'est qu'il résume et il commence son chapitre en disant « ça sert à rien de s'inventer des énergies ou tout ça, la réalité est beaucoup plus impressionnante et folle que toutes ces histoires à la con, quoi ». Et c'est un peu ça qui est assez rigolo et donc à lire sur le placebo où en fait il n'y a pas besoin d'aller inventer des énergies et des aiguilles ou je ne sais quoi qu'on fait pour réaliser les énergies, que juste la réalité, le pouvoir de l'esprit est complètement délirant, on ne comprend encore pas tout, quoi. Alors entre-temps, il y a concernant l'équation de Ewy, ouais. Il y a David Loureiro qui a proposé P égale 1, point d'interrogation. Et LJJ qui a répondu ou E égale 0 ou R égale 0. Mais d'accord, ils ont essayé de la résoudre, quoi. Et sinon, Ewy nous dit que c'est le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Ouais. En effet, il en parle beaucoup. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est. j'en ai pas parlé du coup. Et il y a aussi LJJ qui dit qu'on n'a pas parlé du fait que le Nouvel Obs nous a cités. Oui, c'est vrai. C'est une médecine alternative en plus, non? Non, c'est... Non, c'est le nombre d'or. Ouais, alors là, ouais. Donc, on rappelle hein, nos citations dans le monde normal, quoi, le monde que tout le monde connaît. Donc, on a d'abord eu une citation dans un bouquin de Bogdanov. Ça a été notre première grande fierté. Et donc, nouvelle grande fierté, c'est le nombre d'or. L'Obs qui fait un article en disant la photo des manifestations à Paris et Place de la République est parfaite parce qu'elle fait intervenir le nombre d'or. Et puis, ici, de Podcast Science pour le côté scientifique. Quoi. Alors, ce qui est quand même énorme. C'est que c'est un lien. Il y a des moments où tu as envie d'arrêter ce que tu fais, tu sais. Je sais pas comment LJJ a trouvé qu'on était en référence, en fait. Je pense que LJJ est abonné à Podcast Science sur Google. Il faut cliquer sur ici et là. Ouais. C'est le lien est bien caché, LJJ, c'est pas une source à la fin du dossier, quoi. Non, mais LJJ, il est abonné à Nombre d'or sur Google. Il veut pas le dire parce qu'il a honte. Ça, moi, je l'ai pas vu. Je comprenais pas de quoi vous parliez. Et oui, mais en fait, il nous a envoyé le lien, mais pour trouver qu'on est dessus, enfin, je sais pas s'il y a une technique. Autre, mais il y a un endroit où il parle du nombre d'or et il y a marqué source ici et là. Et donc nous, on est le là, c'est un lien vers Podcast Science. Enfin bon, bref. On va revenir aux médecines alternatives. On a Odd qui a quand même fait quelques remarques. Bonjour, je viens d'écouter et je ne sais quoi en penser. C'est très bien et intéressant comme toujours. Je trouve les arguments vraiment convaincants et pourtant, je suis sceptique face à un sceptique. Je comprends pourquoi il a mis ensemble toutes les médecines alternatives, mais je trouve qu'il y a des différences qui doivent être faites entre ces médecines qui proposent de soigner par des médicaments. Et là, je rejoins ce qui est dit, et les médecines qui sont des manipulations des zones énergétiques, etc., etc. Alors, est-ce que c'est parce que je pratique et donc ai ressenti le bienfait, et donc m'a convaincu que je ne peux pas les mettre dans le même panier? Oui, certainement. Pourtant, que proposer aux gens pour les soulager de certains maux du corps, musculaires, tendons, etc., sans être bourrés de médicaments? Les kinés qui sont reconnus font partie de cette médecine traditionnelle scientifique. Pourtant, ne devraient-ils pas faire partie de cette médecine alternative? C'est du même ordre, je trouve, non? Ressenti du patient face à un manipulateur. Il suffit de faire le même genre de séance avec un kiné différent pour que cela ne soit pas la même chose. Enfin, c'est ce que je pense. En tout cas, bon dossier, bien exposé, et qui a su me contrecarrer face à mes arguments que j'élaborais dans ma tête en vous écoutant. Mais faut-il que tout soit scientifique? Et pourtant, oui, je comprends. C'est bien là mon doute. Entre mon ressenti, ce que j'ai vécu et qui m'a soulagé et qui a changé ma vie, et mon côté rigoureux scientifique, très chouette dossier, merci. On la sent complètement perdue. Ouais, bah alors ça, c'est justement, c'est pour ça que je conseillais Bad Science aussi, c'est que, mine de rien, c'est quelque chose, c'est ça le côté qui est hyper important, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent ça et qui vivent les effets positifs de ces trucs-là. On en a un peu parlé avec Nima et... Il y a deux choses là-dessus, c'est que d'abord ne marche pas veut pas dire que ça n'a aucun effet, ça veut dire que ça marche pas mieux que le placebo, ça Nima a beaucoup insisté, et l'autre élément c'est que c'est hyper compliqué de contredire quelqu'un qui dit « sur moi, ça a marché ». Or, le fait que ça marche sur moi, c'est pas une preuve scientifique, en fait, quoi. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer. Mais je comprends qu'elle soit paumée, parce que ouais, moi, une fois, je suis allé chez le médecin, j'avais un rhume, il m'a touché une vertèbre et j'avais plus de rhume, quoi. Bon, ça faisait peut-être 3 jours que j'avais un rhume et il est passé peut-être tout seul, tu vois. J'en sais rien. Ou peut-être que c'est du placebo parce que j'y ai cru, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est dur de se dire non, c'est pas, il n'y a pas le lien, quoi. Mais c'est vrai que c'est tout à fait le genre de cas où on a du mal à répondre, quoi. Ouais. Ben en fait, c'est là où le mec, alors je saurais pas le dire aussi bien, il a un ton, il parle en anglais, ça passe mieux, et où il dit ah, mais tu peux y croire, mais c'est faux. Et je trouve que la phrase résume un peu l'idée, quoi. Ouais, tu peux y croire, mais c'est faux. Tu vois, ou juste, ça empêche pas d'avoir des croyances. Et puis, même à la fin du chapitre du placebo, tu comprends que c'est même important d'avoir ces croyances-là. Parce que, mine de rien, du fait du placebo, tu règles des problèmes que tu saurais pas gérer. Que si tu étais trop rationaliste, il y aurait peut-être moins d'effet, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu le message mitigé qu'on a reçu au sujet de ce dossier. Je vois que dans la chatroom, il y en a qui sont assez d'accord avec le message d'autres. Ouais. Et sur le message de la chatroom, j'invite vraiment à écouter le dossier si ce n'est pas fait sur la médecine alternative et puis à nous faire un message par mail. Surtout qu'a priori, la personne qui commente est ostéopathe, donc on veut bien en savoir plus. Hein. On l'a dit hein, pendant l'épisode qu'on ne pouvait pas faire de double aveugle sur toute une partie des pratiques dans l'ostéopathie, mais que ça n'empêchait pas d'avoir de gros doutes sur l'efficacité dans la plupart des traitements pour ces choses-là, efficacité par rapport au placebo. Et pour ce qui est de l'homéopathie, il y avait l'ostéopathie, on n'a pas abordé en détail le sujet, il y en a pas mal dans les bouquins qu'on a cités. Là-dessus, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'ostéopathie, ça veut dire beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes entre les pays. Donc il faut faire un peu attention de quoi on parle. Il y a certaines pratiques des ostéopathes qui sont en fait des pratiques qui... pour le coup, ont des effets prouvés, mais qui ne sont pas décrites comme des pratiques d'ostéopathe dans d'autres cas, quoi, qui se rapprochent peut-être plus du kiné ou des choses comme ça. Donc, bref, écoutez notre épisode, Nima en parle mieux que moi. Et puis surtout, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être un peu paumé, quoi, parce que c'est un truc sur lequel finalement, on n'a pas forcément le mot de la fin surtout. Je veux dire, le propos n'était pas forcément de... Ouais, et puis c'est très contre-intuitif de se dire c'est pas parce que toi tu l'as vécu que c'est pas bon. Quand tu regardes toutes les émissions de télé qui essaient de résoudre ces questions et compagnie, la première chose qu'elles se disent, elles se disent moi je vais essayer, je suis honnête, donc ce que je vais prouver va être honnête, quoi. Et toute l'avancée de la médecine, ça a été de dire non, ça suffit pas, il faut vraiment... Ouais. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous avait envoyé dans son commentaire le lien, et le fait est que j'étais tombé dessus et que j'avais trouvé que c'était pas inintéressant à entendre juste après, parce que c'était juste après. Il y a une émission sur France Culture sur les médecines alternatives aussi, juste vraiment sur le même thème, juste après. Oui, tout à fait. Une semaine après, quelque chose comme ça. C'était. Ça aurait pu mettre un lien en bas du dossier, parce que c'était assez rigolo, parce que c'était curieux, c'était déstabilisant le point de vue de certains dans cette émission. C'était Damien. Enfin, moi, je sais que Damien Jougnot, qu'on avait reçu dans un freestyle, l'a partagé sur Google+. Puis on a peut-être reçu par mail ou je sais pas. Ok, mais on mettra le lien, ouais, c'est une bonne idée. On a aussi Thierry Lerich, qu'on avait reçu, qui nous avait fait un dossier sur les tris, qui nous signale qu'il a mis en ligne un article plus complet. Et donc, on vous mettra aussi les liens dans les notes de l'émission. Et puis, on va passer au message d'auditeur tout confondu. Alors, on a reçu un paquet de messages qui nous font toujours énormément plaisir. On ne peut pas tous les diffuser, mais vraiment, merci, c'est toujours un plaisir. Et on a sélectionné un petit florilège. Donc, un premier, bonjour, tu n'as pas mis de qui il était, mais bon, surprise. Ah, bonjour, à tout hasard, en cherchant un... Bonjour. Tout à fait par hasard, en cherchant la composition du Neutralino, je suis retombé sur votre site. Pourquoi retombé ? Car en fait, je vous écoutais tout le temps durant mon séjour de 1 an en Thaïlande, et à mon retour, je ne l'ai plus fait. Cela fait 2 ans. Abondance de journaux, etc. Mais cela va changer, car je vais vous réécouter avec plaisir, car malgré vos connaissances certaines, vous savez expliquer des choses compliquées simplement. Bravo à votre équipe, Patrick. J'adore les gens qui nous trouvent complètement de manière... avec la sérendipité, quoi. Neutralino. C'est pas faux. Voilà, il y a toujours prosopagnosie à battre. Prosopagnosie, ouais. Ouais, de très loin, ouais. On a aussi Elon Gunman qui nous a écrit. Bonjour, je voulais juste vous écrire un petit message d'encouragement. Cela fait maintenant plus d'un an que j'écoute avec grand plaisir ce podcast. Je fais souvent des allers-retours entre le nord de la France où j'habite et le Danemark où ma copine habite. Ces 10 à 12 heures de route étant longues, vous me tenez fidèlement compagnie du début à la fin, alors un grand merci à vous. J'ai toujours été passionné de science depuis que je suis tout petit. Quand j'ai appris à lire, la première chose que j'ai faite est de dévorer la collection de l'encyclopédie « Tout l'univers » de mes parents. J'ai ensuite été abonné à un grand nombre de magazines et je dévore encore régulièrement des livres et documentaires sur différents sujets. Autant dire que lorsque j'ai cherché des podcasts scientifiques pour accompagner mes voyages, c'est sur vous que je suis rapidement tombé et depuis je n'ai pas décroché. Les dossiers sont approfondis et intéressants et je suis parfois surpris d'être passionné par un sujet qui ne m'attirait pas de prime abord. Et le tout bien sûr recouvert d'une couche de bonne humeur bienvenue. J'ai hâte de vous écouter lors de mon prochain voyage dans quelques jours. Encore merci toute l'équipe, longue vie à Podcast Science et que servir la science soit votre joie. Ouais, bah super, merci. Et en plus, c'est un message qu'on a reçu sur SoundCloud. Je pense que c'est un des seuls. Ça a été commenté à quelle minute ? Non, on l'a reçu en tant que message. Apparemment, tu peux nous contacter via... Donc voilà, comme quoi ça sert de dire toutes les semaines d'aller commenter partout, quoi. C'est ça. C'est juste, après, il faut pas les regarder partout, mais... Ouais, non, heureusement, on reçoit des notifications. Message de Benjamin, du coup, après ? Ouais. Pour la nouvelle année, un grand merci à tous pour votre podcast. Je l'ai découvert il y a un mois et demi et je me régale en les écoutant. À nouveau, bravo pour votre sacerdoce et continuez à nous rendre moins idiots chaque semaine. Chapeau, Benjamin, allez. Pour notre sacerdoce ? Ouais, carrément, ouais. D'accord. Bah, écoute, pourquoi pas. Un message, autant on va te faire lire le message un petit peu long qui vient alors. Ah oui, oh là oui. Alors, un remerciement d'un fan, il s'appelle... Remerciement d'un fan, d'un accro, d'un Canadien. Je ne sais pas si c'est lié. Donc, franchement, il vaut le coup. Bonjour Podcast Science, je viens tout juste d'écouter l'épisode 199 de votre balado-diffusion, vivement la 200e. Je dois tout d'abord vous remercier pour votre émission dont j'ai écouté la presque totalité des émissions depuis environ un an. C'est toujours avec un grand plaisir que vous m'apprenez, que vous me fascinez, que vous me captivez avec des sujets toujours plus inattendus les uns que les autres. Avez la topologie. Merci LJJ. Je n'ai pas l'âme d'un poète, du moins pas son écriture, mais cela n'enlève rien au grand respect que j'ai pour votre podcast. À mes grands regrets, je viens de me rendre compte que ce message est le premier que je vous envoie, donc il risque d'être un peu long. Bonne chance. Première partie, point de vue. Je ne me fais pas un devoir de corriger les gens habituellement, mais comme c'est la première fois que je peux le faire sur Podcast Science, des sujets toujours impeccables, je veux en profiter. Bon, il faut dire que le sujet suivant n'est pas d'ordre scientifique, mais plutôt socioculturel, le français. Bien qu'il n'ait absolument pas une passion pour moi, il est tout de même intéressant d'observer les différences d'un continent à l'autre. Je vais bien sûr parler de ma vision canadienne de la chose. Un Canadien vous écoute ? Eh oui, Canadien. Moi-même étonné qu'il y ait un si grand nombre qui vous écoutent. Non, plutôt qui vous ont trouvé, car après vous avoir entendu, on ne peut qu'attendre impatiemment le prochain épisode. D'abord, sur qui a le meilleur français, je ne connais pas la réponse, si réponse il y a. Par contre, il serait faux de dire que les Québécois sont moins influencés par la langue anglo-saxonne. La différence vient du fait que vous, à ma connaissance, ne modifiez pas les mots anglais, tandis que les Québécois les traduisent et adaptent en français. Exemple, batterie, batterie. Il y en a des milliers. Bien sûr, nous avons gardé et modifié énormément de mots d'anciens français. Par ailleurs, énormément de mots ont été dictionnarisés, du moins dans les dictionnaires québécois. Voici un lexique. Certains mots ne sont plus utilisés, mais somme toute complets. Donc il me donne un lien vers Wikipédia, lexique du français québécois. Au Québec, c'est balado-diffusion et balado-fichier au lieu de podcasting et podcast. Deuxième partie, questionnement. Je vais en France pour les 7 prochains mois. Je vais pouvoir vous écouter en direct pour un stage en recherche. Et je me demandais si vous prévoyez de faire une visite au CERN. Ah, petite déjà, faut mise en demander où il va en France, quoi, parce qu'on va peut-être pouvoir le voir, du coup. Bah oui, si il va falloir qu'on le voit. Il faut que tu nous fasses signe pour qu'on se voit. Si t'es complètement. En France, Le Canadien, qu'on ne sait même pas comment il s'appelle, on sait juste que c'est le Canadien. Et donc sinon, contre, le CERN, c'est en Suisse. Hein. Je sais que c'est du Canada, bon... Petite mise en contexte, je suis étudiant en ingénierie. Je me demandais s'il serait possible de faire des dossiers sur une autre dimension de la recherche faite par des ingénieurs. Je me permets une petite remarque, oui, je pense que ça serait très intéressant. Parce que les ingénieurs aussi font de la recherche. Je vous concède qu'elle n'est pas aussi fondamentale que peut-être celle du boson de Higgs. Mais elle fait tout autant partie de nos vies. Je reconnais d'emblée. D'emblée, hein. Oui, ah oui, d'emblée, c'est ça, il y a un O en trop. Je me disais que c'était peut-être un québéquisme que je ne connaissais pas, mais non, c'est d'emblée, c'est une lettre en trop. Je reconnais d'emblée avoir fait quelques recherches sans succès apparent. Si je me fais surprendre par un drop ID, je vous le ferai savoir. Enfin, je ne peux que vous souhaiter du plaisir à faire les 200 prochains podcasts pour mon plaisir. en espérant que vous ayez compris ce message malgré mon régionalisme linguistique québécois. Bonne année à toute votre merveilleuse équipe. PS, si le cœur vous en dit, mais je sais pas, c'est coupé ou ça s'arrêtait comme ça, je crois. On va te faire la réponse. C'est une super idée. Et la réponse classique, c'est on attend ton dossier pour demain 16h. Quoi. C'est complètement ça. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas. A priori, si j'ai bien compris, c'est un peu ce que tu fais. Donc c'est pour ça que ça t'intéresse. Je pense que tu pourrais peut-être nous en parler en fait. Carrément. Alors faudrait voir si tu as envie d'en faire un dossier, si tu penses qu'il y a le contenu ou si tu veux venir en parler à un freestyle. Mais je pense qu'on peut tout à fait faire ça. Quoi. Bon, recontacte-nous. Je me souviens plus de son prénom. Peut-être qu'on peut lui répondre par écrit parce que c'est pas sûr qu'il nous écoute là tout de suite présent. Oui, oui. Direct, mais il va nous écouter après. Sans vouloir vous désirer. Attends, non, t'écoutes, bien de répondre t'écoutes 100% des dossiers podcast science normalement. Ok, on termine presque avec la fin du message d'Erwan qu'on a eu tout à l'heure, qui pousse un petit coup de gueule. Donc, rien à voir, mais suite à l'épisode sur les gènes et d'autres émissions et articles récents en tout genre, je voudrais passer un coup de gueule aux médias et scientifiques. Pas à vous, le dossier était très bien fait. Halte en sensationnalisme et au toujours plus impressionnant. Alors, je sais que l'époque veut des chercheurs qui publient plutôt que des chercheurs qui cherchent, mais dire que tel ou tel gène sert à la blonditude ou à absolument rien, que les neutrons vont plus vite que la lumière, que tel ou tel composé chimique est miraculeux ou mortel, et j'en passe. Soyons un petit peu humbles, arrêtons de prétendre que nous savons tout et remettons tout à notre place. Nous ne savons pas la moitié du quart du millième des choses de la nature qui nous entoure, même si nous savons parfois les modéliser de manière plus ou moins juste. Je voudrais un peu plus de modestie dans les annonces des articles scientifiques. La science n'est pas une secte qui sert à avoir toujours plus de fidèles, mais bien de comprendre comment marche le monde et mieux l'anticiper. Ce genre de sensationnalisme n'est d'aucune utilité dans cette tâche. Autre point sur votre podcast où vous parlez de SETI, je vous avais envoyé un mail il y a de cela quelques temps, je posais la question « Quel est réellement l'impact du rayonnement une main dans l'espace ?» En 50 ans d'émission dans l'espace, nous pouvons prétendre à 50 années-lumière autour du système solaire, combien y a-t-il réellement d'étoiles dans cette sphère ? De plus, compte tenu des puissances d'émission, quelle est réellement la portée de nos émissions pour être détecté, avoir les antennes dont on a besoin pour discuter avec Voyager. Merci à vous pour votre podcast qui s'améliore encore, à part les « c'est cool » et les « e », on se croirait presque à la radio. Mais gardez-les, ça en fait un podcast plus accessible et proche, comme une discussion entre potes. Podcast mon vôtre, Erwan. Pour répondre rapidement, je ne me souvenais pas du tout de ce message sur les 50 ans d'émission qu'on envoie dans l'espace. Je me souviens juste avoir lu 2-3 trucs là-dessus, en particulier des références au film Contact, qui imagine un peu justement... ce que deviennent nos retransmissions. Je crois qu'en fait, déjà, il y a beaucoup d'atténuation dans ce qu'on envoie. Ça s'atténue très, très vite. Et qu'en fait, on diffuse plus tant de choses maintenant qu'on est tout passé en numérique et qu'il reste un peu la radio, mais même la télé n'est plus vraiment diffusée de la même manière. Donc, il faudrait vérifier. Mais je crois que du fait de ces deux trucs-là, ce n'est pas dit que jusqu'à même 50 années-lumière, on ait encore quelque chose de nous qui atteigne, quoi. Il y aurait peut-être Johan qui pourrait apporter des précisions, on lui demandera. Et à l'occasion, on te répondra, Erwan. Oui, tout à fait. Un des derniers messages de Jérémy Chaudruc sur Facebook qui nous dit « Depuis plus d'un an, vous violez mon cerveau et ma conception du monde. Merci, je ne verrai plus les choses de la même manière. Quel bonheur. » Ben voilà, sympa. On amènera ça au tribunal quand on sera accusé des viols de cerveau. Quoi. Ensuite, on a reçu le message d'une star, quoi. C'est ça, sur le dossier Interstellar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais que j'avais lu un livre, donc le livre génial de Kip Thorne. C'est pas Kip Thorne qui nous a contactés. Mais ça j'avais lu beau. Un autre livre sur les trous noirs qui était très, très bien. En fait, c'est mon auteur français de science préférée. C'est Jean-Pierre Luminet qui nous a fait un commentaire. Bon, un commentaire pour râler, mais quand même un commentaire. Il disait « Bon dossier, merci de recommander mon ouvrage sur les trous noirs publié initialement en 87 et toujours disponible en poche. » C'est ça que j'ai lu. Je vous signale cependant qu'en 2006, j'ai publié une version totalement revue, très largement augmentée, 800 pages et actualisée, intitulée « Le destin de l'univers, trou noir et énergie sombre ». On la trouve maintenant chez Poche et Folio Gallimard en 2010 et je puis affirmer qu'elle est bien à jour, cordialement et bonne continuation. Ouais, il commence quand même par bon ouais, dossier. Voilà, c'est ça. C'est donc, quand même très, très en classe. Poche chez Folio Gallimard. En poche chez Folio Gallimard, ouais, pourquoi? Et t'as pas répondu chez Poche en e-book chez... Tu lui as pas demandé et en e-book, c'est non, bon. Non, j'ai pas été agressif. On l'a contacté du coup pour qu'il vienne nous parler éventuellement de ça, de ce qui s'est fait en trou noir depuis des choses plus récentes. On en a parlé un peu parce que ce qu'il y a dans Interstellar et ce que fait Kip Thorne, c'est des choses plus récentes. Mais je suis sûr qu'il aurait énormément de choses très intéressantes à nous dire. Je lui ai aussi proposé d'éventuellement venir nous parler de son dernier bouquin qui parle d'astéroïdes et de la vraie fin du monde qui arrivera la plus probable en tout cas. Je vous rassure, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'astéroïde qui va nous foncer dessus, mais en tout cas, c'est sans doute la chose la plus probable des fins du monde possibles. Et on n'a pas eu de réponse encore, mais on attend. En tout cas, c'est incroyable qu'ils nous écoutent. Ouais. Quand on a tous vu le message Jean-Pierre Luminet, on était un peu... J'aurais jamais imaginé qu'ils nous écoutent. Bah, qu'ils nous écoutent. Il a dû écouter ce dossier-là parce qu'il a fait une alerte, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, la version augmentée, je ne l'ai pas encore lue, du coup, parce que 800 pages, en effet, pas encore. En papier ? Mais curieux, ouais, en papier, ça, c'est un peu le problème. Luminet, tous ses bouquins ne sont pas en électronique. Il y a l'univers chiffonné qui y est, et puis donc Astéroïde, le dernier. Mais les plus vieux, bah, sont pas encore en numérique. J'espère qu'ils le seront un jour. Donc voilà, 800 pages en papier, c'est pas dit que j'ai fini demain, mais enfin, s'il vient nous voir, j'aurai fini, quoi. Mm-mm. Tu feras un effort. Et en effet, c'est en deux pages, c'est en deux tomes. Voilà, de quoi faire, de quoi s'amuser. Bon, donc on a un message de Kevin, sinon, qui relance la mode des messages un peu absurdes. Exactement. Bonjour à toute l'équipe, aux invités, aux anciens et aux nouveaux. Voilà 3 ans maintenant que je vous ai découvert et après m'être ingéré tous vos dossiers dans l'ordre chronologique et vous avoir rattrapé au gré de mes trajets Bruxelles-Lille, puis plus récemment Bruxelles-Liège, je reste aujourd'hui comme une éponge à boire vos propos et à découvrir des faces cachées de cette science qui n'en finit jamais de m'émerveiller et d'attirer ma curiosité. Quel que soit le dossier, le sujet, l'interview et même les freestyles, chaque épisode m'apprend quelque chose, m'ouvre un nouveau monde de curiosité, me donne envie de découvrir et me laisse une sensation de soif d'en savoir plus. Le choix des sujets, si variés et aléatoires vu de l'extérieur, est extraordinairement satisfaisant. Je me permets une petite parenthèse, aléatoire vu de l'extérieur et de l'intérieur, je crois, mais bref. Il me permet de découvrir des centres d'intérêt que je ne me connaissais pas et d'autres que je semblais avoir oublié de mon enfance et qui me reviennent à l'écoute des dossiers. Je ne saurais pas être présent le 24 pour la 200e, malheureusement, mais mon cœur sera avec vous. Je pense que juste dire merci n'est pas suffisant pour exprimer ma gratitude, c'est pourquoi je vous en mets 200 et je vous laisse trouver comment les obtenir. Et donc il envoyait un fichier. Voilà, un fichier. Nico, je te laisse expliquer la suite. En fait, c'était un QR code, donc un de ces codes que vous scannez avec votre téléphone. Donc on l'a scanné, ce sur quoi ça nous a fait télécharger un fichier, si je ne dis pas bêtises, qui était constitué de caractères un peu étranges. C'est là qu'Alan a abandonné. Moi, j'ai tout de suite reconnu le brainfuck, qui est un langage de programmation ésotérique, c'est-à-dire impossible à comprendre. Mais par contre, du coup, quand on le traduisait, ça donnait un code en Python, qui est un langage de programmation un peu moins ésotérique, très utilisé, et qui faisait une boucle 200 fois pour dire merci 200 fois. Oui. Voilà, pas mal. Ça. Franchement, pas mal. Et du coup, je ne sais pas si c'était ce qu'on devait faire pour que Kevin vienne, mais il sera présent pour la 200e. Ouais. Et il nous ramènera de la bière. Parfait, bière belge. Il ne fallait pas le dire parce que c'est que pour nous. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu dégueulasse de faire baver les gens comme ça. Okay, super, bah, pas d'autres messages a priori. Ok, on va passer au pitch. Le prochain épisode live, ce sera avec Franck Ramu. Je vois régulièrement apparaître sur mon Facebook des études au titre racoleur voire choquant. Les femmes ne savent pas lire les cartes, mais elles mémorisent mieux. Shopping, appétit, quand notre cycle menstruel régule nos vies. Pourquoi les femmes parlent plus que les hommes? Female brain, super sensitive to stress. What happens to a woman brain when she becomes a mother? Zemmour, le pouvoir attire les femmes, c'est dans leur cerveau archaïque. Ces articles sur les différences comportementales entre les femmes et les hommes commencent tous par le célèbre « Des scientifiques ont mis en évidence que… » mais n'ont parfois que peu de rapport avec les études sur lesquelles elles se basent. A contrario, Catherine Vidal, directrice de recherche au sein de l'Institut Pasteur, assure qu'en dehors du compte… En dehors du contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction, on ne trouve aucune différence entre les cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les autres fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives, telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement, ou sensorielles, comme la vision ou l'audition. Entre ces deux extrêmes, Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire de sciences cognitives et de psycholinguistique et du département d'études cognitives de l'École normale supérieure nous aidera à y voir plus clair sur les différences cognitives entre les deux sexes la semaine prochaine. Bah, ça s'annonce sympathique. Ça s'annonce chouleux, quoi. Un gros dossier où du coup, ouais, ça s'annonce très sympa. Il y a Joanne qui a préparé la trame de l'interview et ça a l'air vraiment... je vous écouterai. Il y avait un épisode de Nicolas Gauvry qui était très intéressant sur le sujet aussi, en 3 épisodes, je crois, sur scepticisme scientifique. Ah, mais il faut que j'écoute pour préparer, en fait, alors. Qui justement revenait sur ce que disait Catherine Vidal et essayait de voir ce que pouvait en dire la science, quoi. Et la réponse n'était pas grand-chose. Je ne sais pas si il aura grand-chose de plus, mais... mais que c'était, en gros, la réponse était c'est plus compliqué. Bref, donc, ça va être impatient d'en savoir plus. On passe à la citation. Tout à fait. Ou la quote. Bah, je crois qu'en fait, toutes les discussions que vous avez eues illustrent très bien cette fameuse quote que vous m'avez demandé de ramener ce soir. Donc, c'est une citation de Karl Popper. Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Redis-la. Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Bah, ouais. Elle a été illustrée toute la soirée, donc pas grand-chose à en redire. Ah, les critères de Popper, hein. On en a parlé plusieurs fois, mais c'est bien d'avoir la citation originale, je l'avais jamais entendue, ouais, je crois. Pareil, très bien, bah, merci beaucoup Alicia. Ouais. Bah, merci à vous pour l'invitation. On a un c'était petit un plaisir. Quand même. Oui, je crois que tu as un petit plug. Voilà, j'ai un petit plug parce qu'en fait, j'ai vu ça s'allumer sur Twitter, surtout hier. Donc, ouais. Vous avez vu des articles, tout le monde a dit c'est l'anniversaire de la mort de la femme qui a inventé le Wi-Fi, Eddie Lamar. Alors, on a fait un épisode là-dessus dans Podcast Science, donc je vous invite à l'éviter. C'est pas exactement le cas, mais pas loin. En tout cas, c'est une femme qui est connue pour être la première femme à avoir posé nue dans un film et avoir simulé un orgasme. Je vous rassure, c'était un orgasme il y a quelques années au cinéma, donc c'était pas du tout porno. Il y a le film complet, je crois, dans le dossier. Et elle a pas exactement inventé le Wi-Fi. Elle a déposé un brevet avec une autre personne qui utilise des technologies très proches de ce qu'on utilise dans le Wi-Fi, mais qui en fait a été oubliée entre-temps. Donc allez lire le dossier pour en savoir plus. Et donc, c'était hier, l'anniversaire de sa mort, donc... Dossier très sympa, je confirme, je peux le dire, parce que toi, t'as pas le droit de dire, c'est toi qui l'as fait. Ouais, mais... voilà. Ouais, c'était... J'avais ouais, sur une proposition d'auditeur qui a dit, vous voulez pas parler d'Eddie Lamar, la femme qui la première femme à avoir joué nue dans un film et avoir inventé le Wi-Fi. Ça me paraît un peu sujet, quoi. On peut pas dire non à un tel sujet. C'est ça. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et surtout, ce qu'on dit peu, en fait, c'est qu'elle a déposé le brevet avec une autre personne, un musicien expérimental qui est presque aussi intéressant qu'elle au niveau grand n'importe quoi, etc. Enfin voilà, allez écouter le dossier, il y avait un petit côté n'importe quoi justement, parce qu'après avoir lu plusieurs bouquins, j'arrivais pas à savoir ce qui était vrai et faux de certains trucs de sa vie, entre autres, un grand mystère, ça reste la date de sa naissance. Toutes les sources donnent des dates différentes. Ça commence bien. Dont son autobiographie où il y a deux dates différentes dans le même bouquin. Bon, et ben... Voilà, personne n'a rien à ajouter. Bah sur ce, qui c'est qui conclut la freestyle? C'est toi, donc qui improvise une non, conclusion? Non, je pense que c'est toi. C'est toi qui fais de l'impro. Ouais, j'en fais plus. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci à tous d'être toujours là, toujours présents en live. On est désolé de ne pas pouvoir faire un live pour la 200e, mais promis, on sera encore là pendant plein de centaines d'émissions et on vous fera une émission en différé. D'ici là, n'hésitez pas à parler de nous, à commenter un peu partout, dans les dossiers, dans Facebook, dans SoundCloud, dans YouTube qu'il faudrait que je mette à jour, etc. Et surtout, diffuser et que servir la science soit votre joie. Bon, bah on va passer maintenant à la réponse officielle de Podcast Science. T'as un peu oublié un participant, là, non? Ouais. Merci, Nico. Bon, on a eu, bien sûr, la participation de Xavier Durussel. Donc là, Tchatroum, vous êtes témoin. On a lu sa réponse. Alors après, si Nico le coupe au montage, j'y suis pour rien. Donc, le grand Xavier Durussel a dit « Déjà que la saisonnalité de la grippe n'est pas de manière évidente, due au froid, je dirais... » dièse, intox, dièse, quiz du mois. Et ensuite, il nous a mis quand même la source Wikipédia. C'est ça. Sur la grippe. C'est Wikipédia qu'on se prend un plaisir de modifier avant chaque quiz, on vous le rappelle. Hein, donc... Ça a pris vachement de temps, là.